Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est oh bon, c'est Je faisais un drop. Okay. Bonjour, bonsoir. Jamais de drop depuis le début. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis Florent Bernard, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Comment vas-tu, Adrien? Ça va, ça va, ça va. On va pas en faire toute une histoire. Tout un fromage, même, j'ai envie de te dire. Ah non, ça non. Oh là là, vegan que t'es. Nous sommes accompagnés, comme à l'accoutumée, de deux invités. Et pour ce faire, je vais vous faire une bio téléachat. Le premier que je vais vous présenter est tout bonnement incroyable, totalement 3 en 1, car il est auteur, comédien et réalisateur. Son film Stéphane, d'une durée d'1h18, est disponible sur l'application MyCanal, 22,99€ par mois. Il sévit également sur Instagram pour la fécule somme de 0€, une excellente affaire, même si je vous rappelle que si vous payez pas, c'est vous le produit. Je suis Che Guevara, j'ai fait un bac L. Cet invité, c'est Lucas Pastor. Oh, merci beaucoup. Mon pote. C'est mon pote aussi. C'est le pote d'Adri, quoi. On est deux potes. Deux bons potes. Le pote d'Adri. D'ailleurs, vous pouvez finir vos phrases. Adrien, vas-y, dis une phrase. Eh bien, cette journée est parfaitement superbe. Ouais. Oh putain, c'est fou, j'ai l'impression de voir deux potes. Ah, c'est incroyable. On est comme ça, nous. Mais il n'y a pas que Lucas. C'est un peu le produit phare du Floodcast, c'est pas la première fois que je vous la présente. Auteur, compositrice et chanteuse, elle a sorti une réédition de son album Seul sous ma frange, avec non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien quatre titres inédits, messieurs dames, dont le titre Les sites de rencontres, qui totalise déjà plus de 130 000 vues sur YouTube. Allez voir, allez écouter, j'ai envie de vous dire, streamer ça. Voilà, fort. Fort, fort, fort. Elle jouera à la Maroquinerie à Paris le 29 novembre 2023 avec des places à 24,90€ seulement. C'est Pyjama. Ah ouais. C'est cher. Oh, ça va, ça va. Elle est illustratrice aussi, hein. Oui, ça va, je suis un peu toute la bio, ça va, ça va. Non, mais parce que là, on a deux petits couteaux suisses, là. C'est vrai que ça dessine, les deux dessinent, là. Toi aussi, d'ailleurs, tu touches à là, tout. On est entre dessinateurs, en fait, autour de la table. Faites des dessins devant moi. Il n'y a que des dessinateurs autour de cette table. Moi, je te... Imagine, il y aura quelqu'un qui ne dessinerait pas autour de la table. Ouais, là. Honte pour lui, quoi. Ça serait pas un pote. L'horreur. Mais les gars, moi, je dessine. Enfin... T'imagines? Non, mais imagine, je veux dire, s'il y avait autour de la table, tout le monde dessine sauf une personne. Ça fait une BD. La honte. Pas dessiner. Ouais, ouais, mais. Nous allons passer au Floodcast, le jeu du Floodcast. Alors, il faut savoir que Pauline n'est pas arrivée les mains vides parce que l'émission, alors non pas exceptionnelle, n'allons pas jusque-là, mais hier, c'était l'anniversaire d'un petit pote. Mais ce petit pote, c'est Adrien Méniel, bon anniversaire. Arrêtez, bon anniversaire. Alors moi, je n'ai pas encore reçu ton cadeau. Ouais, il a été commandé. Le mensonge numéro 1. Je le jure. Des gens. Tu vas me l'offrir et il y aura une étiquette Auchan dessus. Non, pas du tout. Il y aura ton nom avec un cœur à la place du point du i de Adrien. J'espère. Mais par contre, quelqu'un autour de sa table a ramené un petit cadeau. C'est oui, Pauline. Et donc c'est moi. Il va l'ouvrir. Emballé. En direct live. C'est pesé ou pas? Oh, arrête tes conneries, mon pote. J'aime bien rire en fait. Non, je l'ai pas pesé parce que je l'ai pas envoyé. Oh. Bon, allez, va vite par contre, c'est de l'audio. J'en ai mis deux pour toi et la personne de ton choix déjà. La personne qui partage ma vie, oui, c'est-à-dire personne. Adeline. Déjà trop mignon. Déjà. Ah, des petits stickers qui brillent. Ça c'est pas très personnel. Ouais, c'est mais bon. Ah oui, il faut décrire pour les gens. C'est toi. C'est tu peux peut-être à l'offrir à Lucas vu que c'est ton meilleur ami. Mon pote. Non, je rigole. Merci. C'est un dessin de toi. Oui, ça c'est un dessin de moi avec un petit chat. Laisse-moi décrire, c'est mon ami. Je suis un putain de tigre. T'as tout gâché, merci. Non mais tu parles pas anglais. Avoir un seul dessin de toi. Oh, le cadeau c'est quoi? Mais ok, qu'est-ce que le cadeau? Là, le cadeau c'est tout simplement une peinture de Francky. Réaliste. Photoréaliste. Oh mon dieu. Oh, c'est magnifique. C'est adorable. Et derrière, je t'ai mis un mot très personnel. Sale merde. Tu mérites la mort de tes parents. C'est ouf de faire ça. Il y a un peu un chaud. Ça va pas ou quoi? J'ai trouvé ça marrant sur le coup. Il y a un faux froid, il y a un chaud froid quand même. Et c'est écrit avec ma machine à écrire, comme Tom Hanks. Ah mais oui, t'es Tom Hanks. À mes yeux, t'es Tom Hanks. Ah ouais. Et bah, ça vous fait un point commun là, tous les deux. Parce que Lucas, tu peins aussi. Je t'ai fait aussi une peinture de. Non mais Lucas, à l'Olympia, il m'avait fait une petite figurine de Francky qui dort dans son cul. Tu veux nous mettre en compétition, j'ai l'impression. Non, j'essaie de vous rapprocher, de dire vous êtes. Et moi, j'avais fait quoi moi? Toi, tu m'avais offert un moment de gloire incroyable. Ah, oui, vrai, voilà. Mais je t'ai rien offert, tu l'as pris tout seul. Et moi, l'Olympia, j'étais pas venue aussi. Non, c'est pas vrai. J'étais toujours. J'écoute trop mon corps. J'ai fait une crise d'angoisse, je coupe Insta. Oui, mais je suis venue à Nantes. C'est vrai. Et on m'en parle encore tous les jours. Ah, c'est vrai. C'est vrai, si. Sans doute faux. J'imagine. J'ai un peu exagéré. Je veux dire, même moi, on me parle pas de la. Même nous, on nous parle pas de la tournée tous les jours. Ah bon? Bah non. Bah non. Bah ouais, posez-vous des questions en fait. Les gens oublient très vite le bonheur qu'on leur a apporté. Les ingrats là. Ben c'est bien, vous marrez bien derrière sur votre telle là, avec vos petits écouteurs. Oh, c'est marrant, c'est gratuit. Oui, bah. Quoi? Donc c'est le jeu du Floodcast quand même, donc il y a quand même des vêtements un peu insolites. Merci pour le cadeau. Un tiers des coureurs anglais ont le même avis sur la question. De quelle question parle-t-on? Les merdes de chiens. Non, pas ouais, les coureurs anglais. En fait, il y a des runners anglais. Il y a eu un sondage. Les joggers, quoi. Des joggers, ouais. Ah, ok, oui. Je les hais. Ah bon? Au Butte-Chaumont, je les hais. Moi, j'adore les runners. Mais moi, je suis un runner, moi, tu sais, maintenant. Oui, runner, sacripant, sacripouille. Personne à la ref? Pas du tout. Non. C'est vous oui êtes, oui. Vous êtes si jeune. Si je l'ai, je l'ai. Hey, mon pote là, mon pote. Bon déjà les vieux auront la ref. Non mais vous c'est... connaissez pas le dessin animé Renard Sacripant. Sacripant. On dirait vraiment que tu viens de Renard Chenapant peut-être. Moi, je crois qu'il dit les deux, je crois. Moi, enfin. Renard chenapan, sacripouille, coquet coquin, renard chenapan, sacripouille, sacré vaurien, renard. Vous connaissez pas, mon? Non. C'est Edith Piaf. Attendez, je vais continuer. C'est devenu un lynx qui chante, malheureusement. C'est Edith Piaf. Ouais. Mais c'est très proche du lynx. Edith Piaf est très proche du lynx, ouais. Vocalement. C'est Edith Lynx, finalement. Oh, pas mal. Et ils sont tous les deux morts. Enfin, il y en a plus, non? Les lynx, il y en a encore. Les lynx, il y en a. Edith Piaf, c'est sûr qu'il n'y en a plus. Décris-moi un lynx. Bien sûr, c'est une sorte de chat. Avec des grandes oreilles. Une sorte de gros chat avec des grandes oreilles pointues, un peu touffues au bout. Et avec une espèce de collerette de poils là. Et qui fait. La honte. C'est pas mal. Même si un lynx trouve que la vie en rose, par exemple, ça serait. Quand il me prend dans ses bras. C'est vocalement dur de faire ça. Comme je suis chanteuse. Je tiens à préciser. Il y a que lui et Maria Carré qui arrivent. Les gens pensent que je fais n'importe quoi quand j'imite le lynx. Non. C'est précisément le cri du lynx. Mais vraiment, ça déjà. Tu le fais à la perfection, il faut le dire. Moi, je te fais trop confiance, mon pote. Ouais, attends, nous, on va faire du skate après. Ouais. Donc les runners, les joggers, pardon, anglais, il y a eu un sondage auprès d'eux et beaucoup ont le même avis sur la question. À votre avis? À l'épais? Non, c'est un tiers, hein, ça concerne un tiers des runners. Ils sont la pisse des femmes. Pardon? Les nibards des gonzesses? Non, je sais pas, les grosses gougoutes là? Les règles? Parce qu'après, ils trébuchent dans les règles des femmes. La chiasse des gosses? La chiasse des gosses? C'était tellement au floodcast, c'est maintenant, on cherche même plus à trouver une réponse. Ils trébuchent dans les règles des femmes. Le sperme là, ils glissent sur le sperme. C'est la chanson de Jean-Jacques Goldman. Oui, c'est ça. Ils trébuchent! Je sais pas sa voix. Tu as une voix de Jean-Jacques Goldman? Ouais, mais voilà, il faut que je la bosse. Ils trébuchent! Non, j'y arrive pas. Après, moi, envolez-moi! Non, j'y arrive pas. C'est le lynx Piaf. Non, mais je sais, parfois j'y arrive, mais il faut que je m'entraîne avant. Quoi. Non, mais. Prouve-le! Mais déjà, faut pas qu'on regarde, déjà, faut que je fasse ça un peu dans mon coin. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie de réussir à faire sa voix, mais c'était sur une chanson précise et tout. Essaye 3-4 fois pendant l'émission, mais sans dire. Sans prévenir. Lucas, tu avais une idée, j'ai l'impression. Oui, j'avais les molars. Non, pas les molars. Les bons vieux molars. Non. Est-ce que c'est sur quelque chose qui est pour glaviote quand on court. Parfois les gens glaviotent. Glaviote aussi. Est-ce que c'est sur un truc qui est beaucoup moins, je crois. Ah non, si, en même temps. Ah, on en a deux comme ça. Mais mec, tu vis dans un. Pour ça que tu te fais mal aux genoux après. Oui, parce que je me les éteins sur les genoux. On a parlé avec Lucas avant l'émission pour dire ce que je dis là. Vous faites des off. Ah, moi j'étais pas là. On parlait maintenant, tu faisais un petit café. En fait, on parlait course à pied et Lucas ne court plus parce qu'il se niquait les genoux. C'est vrai qu'il y a des Je me suis remis. Tu t'es remis là? Parce que j'ai perdu un peu, du coup je peux me permettre d'essayer de. Oh le runner, donc c'est marrant, je me suis remis aussi moi récemment. Bah, tu vois, on est potes. On commence à être potes un peu. Attention parce qu'il y a un truc qui va se créer. Moi j'ai repris le sport aussi. Ah ouais, je cours pas, mais. Allez, grosse merde. Là j'ai fait ma petite séance ce matin, là je suis en pleine forme. Bah moi je fume des clopes électroniques. C'est presque comme courir. Et tu manges des croques monsieur au cinéma. Faudrait être malade pour faire ça. N'importe quoi. Donc oui, les coureurs. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose? Eux-mêmes. Eux-mêmes, ok. Ah, c'est sur eux-mêmes. Ils détestent ça. La pluie. C'est la pluie. Non, mais je pense que. Non, c'est pas la pluie. Moi, je, même. Attends, mais c'est les runners qui détestent un truc eux-mêmes. Ils se haïssent eux-mêmes. Descourir. Descourir. Parce que c'est pas qu'ils détestent courir. C'est la musique. Ils détestent, ils ont l'impression de déranger les gens. Non. Pourquoi ils dérangeraient les gens? Ils détestent leur visage. Quand ils courent, ils passent marre. Devant une vitrine, alors... ils font oh la gueule. Mais tu t'approches. Ils en ont marre. Ils puent. De ah ouais, se non, faire filmer, photographier. Non, ils se font pas filmer enfin, Pauline. Bah, et on est tout le temps observés. Ils sont maintenant avec les téléphones. Et voilà. Ça leur fout la chiasse. Non. Mais arrête avec la chiasse. Non, mais attends. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai, il y a un vrai truc qui s'appelle la crotte du runner. Ouais. C'est pas vrai. Qui est aussi une femme de du la runner. C'est ça. Et oui, courir, ça donne envie de chier. C'est ah, mais bah ça, quand tu vois, je devrais m'y mettre parce que moi, je chie pas beaucoup. Quoi, bah, quoi de l'eau déjà. Bah, je cours mal alors, je pense. Ça te donne pas envie de chier. 6 ans. 6 ans que j'ai pas chier. Oh là là, je me rends compte maintenant. Je me suis dit, mais attends, mais il y a un truc que j'ai pas fait aujourd'hui depuis 6 ans. Et là, t'as un montage flashback de toutes les fois où t'as pas chié. C'est très long parce que j'ai plus d'autres trucs. J'ai le ventre dur. Bon, bref. J'ai les runners. C'est sur eux-mêmes. Quelque chose qui les dégoûte chez eux? Un peu, ouais. L'odeur. Non, pas l'odeur. La sueur. Non, pas la sueur. Moi c'est horrible quand je cours, je suis un peu fier de transpirer. Il y a un peu un truc de non, mais bien sûr, je suis en train de perdre et du coup c'est juste d'enlever l'eau de mon front, je suis genre pas mal quand même. Chamé. L'eau que tu n'as pas bu en plus. Si, je bois de l'eau maintenant, c'est ah avant oui. Ça. C'est sur leur apparence. Ne me frappe pas. Ouais, excuse-moi, c'est mon petit défaut. Si t'as un défaut, c'est vrai que tu frappes les femmes. Je frappe les femmes quand je suis en colère. Au visage. Bon, voilà. Est-ce que c'est sur leur apparence? Oui. Physique. C'est oui. Les habits trop flashy. Non, mais c'est vrai que parfois ils ont trop bien gaulé quoi. Et de mettre mal à l'aise les gens. Et ça dans c'est le notre problème qu'on a nous les mecs. Ils se font trop draguer. Non. Sur leur apparence physique. Et quelque chose qu'ils aiment pas, ouais. En gros, quand ils se mettent à courir. Ouais. Mais est-ce que c'est un truc temporaire? Ou est-ce que c'est vraiment pendant qu'ils courent. Pendant qu'ils courent. Ah, c'est pendant qu'ils courent. Ouais. Alors, c'est pas leur. C'est sur leur visage? C'est un tout. C'est visage, c'est. Bah, c'est là. Ils sont rouges. Non. Putain, vous êtes deux potes, mais. Ouais, non, mais attention, là, il y a trois potes. Là. Non, il y a de la place pour tout le monde dans mon cœur. Passe tes chaussures, s'il te plaît. Et ça, encore une private joke, et ben je la expliquerai pas. Voilà. Par rapport au regard des autres, quand on court, ils se moquent d'eux. C'est pas vraiment ça. Pauline, ça va. Non, mais ça m'énerve. Attends, c'est par rapport au regard des autres, ouais. Sur eux. Ouais. C'est ça qui les dérange. Ils trouvent quelque chose. Ils trouvent qu'on regarde trop leur bite qui ballotte. Comment? Je sais pas, j'en sais ou rien. Ou leur tété, si c'est des femmes. C'est vrai. Non, c'est pas ça, je vais vous donner la réponse. Bah, on y est presque, ouais, attends. Ouais, mais vous êtes trop précis, en fait, c'est assez large. Ok, c'est parce qu'ils sont pas en train de travailler, ils sont en train de courir. Du coup, on leur dit, le chômeur. Ils trouvent qu'on se moque d'eux. Tu l'as déjà dit. Ils trouvent. Non, mais c'est pas loin, mais ils trouvent qu'ils ont l'air cons. Mais je l'ai dit, non? Ah non, tu trouves. Non, bah attends, c'est quoi cette histoire? J'ai l'impression d'avoir dit. En tant que pote, je dirais oui, mais je n'en ai pas la certitude. Par amitié pure. Un tiers des runners souhaiterait avoir un meilleur style de course qui les embarrasserait moins. Un Britannique sur 5 pense que leur façon de courir les rend stupides. Un sur 3 déteste le bruit qu'ils font quand ils respirent. Tandis que 14% affirment qu'ils ne peuvent. Suicidaire, ça s'appelle. 14% affirment qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de courir avec des bras rigidement sur les côtés. Ouais, bon là, ça, c'est schizophrénie par contre. C'est Naruto. Ouais. Un dixième des gens. Petit rêve geek. Hein. Un otaku. Je suis un otaku, presque un no-life. Mais les jeux vidéo ruinent ta vie, mais il t'en reste quand même. Il m'en reste deux, du coup. Ouais, mais c'est pas mal. Il m'en reste plusieurs. Un dixième déclare que leurs bras ont une vie propre et s'agitent lorsqu'ils courent. Oula. Tandis que 8. Non, mais si c'est 1% sont 10 être possédés par l'esprit du diable. Mais seulement leur bras gauche. Ouais. Tandis que 8% trouvent qu'ils ont le pas trop lourd, sans ressort naturel. Eh bah, j'aime autant vous dire, tout est vrai. Toutes vos craintes sont réelles. Vous avez l'air con. Mais qui a pris le temps d'aller expliquer ça? Non, c'est une nouvelle étude de Jack Links. On dirait que c'est un mot. Jack Links. Mais oui. Jack. Jack. Ah, c'est plus. Vous courez? Comment vous courez? Allez. Vous avez l'air quoi quand vous courez? Et en même temps, c'est un peu les vampes. C'est ça qui est marrant. C'est un peu, oui. Les vampes, j'ai vu comme ça. Dis donc alors. Dites voir. Horrible cet épisode, pardon. Je suis désolé, je suis en forme. Je fais du sport, je suis avec plein de potes là. Avez-vous précisé que c'est le matin quand même? Oui, c'est vrai qu'on enregistre le matin. Enfin, juste avant, il est 11h. Ça va, la chanteuse là. Non, mais. Moi, je suis en plein milieu de la nuit. Ouais. Non mais c'est marrant parce que t'as pris de la C avant de venir. Là ouais. Le RER c'est par contre. C'est con. Je suis bien con. Un hein. rail. Non mais c'est un rail. C'est un rail de RER C. Non mais. Non c'est marrant parce que je promenais Francky ce matin au but de Chaumont et j'ai vu une meuf passer en courant et je me suis dit tiens elle a l'air con. Un bon cul. Non mais non non. Juste elle avait une façon de courir. Je l'ai suivie genre 10-20 minutes. Pour bien l'observer, pour bien voir si vraiment elle avait l'air con. Non mais elle avait une façon de courir très bizarre quoi. Mais pourquoi tu juges? C'est à cause des gens comme toi. Bah non, tu franchement, pas quand, moi, quand tu fais tes petits dessins et tu dessines tout le monde sauf les hommes. C'est une vraie critique, je précise. Oui, c'est pas moi. Ah, quelqu'un a dit ça? Un homme qui est venu m'insulter. Et en plus, c'était un jury de concours littéraire. De la nouvelle star, en plus. Non. Non, mais faut, mes potes. Faut expliquer. En gros, elle avait posté des dessins qu'elle avait fait. Elle regardait une émission de télé littéraire, je crois. Ouais, excusez-moi. Je fais ça, moi. Déjà, je sors plus maintenant. Une spéciale Gabriel Matzneff, qui est ton idole, je crois. Non, c'était une émission. Gabi Man. Et elle avait dessiné les invités. Mais elle avait dessiné les invités femmes et pas les mecs. Non, il y avait un mec et je le connaissais pas. Ah, et oui. En vrai, ça m'avait pas hyper intéressé ce qu'il avait raconté. Non, t'es dans une trash, ok. Bienvenue dans sa chaîne YouTube. Et donc, du coup, j'ai dessiné les trois meufs que je connaissais, dont une qui est une amie. Et il y a un mec qui est venu et qui m'a fait un message, mais genre hyper long, en me disant que je haïssais les hommes et tout. Et genre, j'étais là, mais calme-toi, ma belle. Et en fait, je suis allée voir, c'était un homme qui avait une responsabilité de jury littéraire et je me suis dit pour un truc un peu stylé en plus peur, limite quoi. Enfin c'était un prix, c'était pas un petit prix machin, le mec était vraiment un homme bien grotesque. Et Adrien m'a bien soutenu sur ce coup là. Oh là là. Sur ce coup là parce que des fois non. Ça va. Ça va prendre le compliment, putain. On peut pas être parfait. Non, je m'étais moqué du gars quoi. T'as 43 ans là, c'est ça? 42? Je vois pas l'intérêt de. Et c'est dans la tête, hein. C'est l'année où tu prends les compliments, tu m'entends? T'arrêtes maintenant. T'es ouais, super. Okay. Allez, prends les compliments. Tu fais super bien le lynx. Je suis statam. Un livre de Marc Lévy en face de moi qui m'obsède. Oui, il y a un peu de tout. Oui, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de classes. C'est quoi? Il n'y a pas mon cadeau d'anniversaire, mais il y a pas mal de trucs. Tu rigoles, ils sont là. Ouais, il y a quelques Harry Potter. Mon cadeau. Mon cadeau à moi. Ah oui, ton cadeau. Mais si! Oui, regarde, devenir de Michelle Obama, c'est ton cadeau. Je te l'offre. Tu peux prendre là, si je peux le brûler. Oh, ça va. Non, je rigole. Oh là là. Vous êtes allé au truc là? Non. Non. Toi, tu vas y aller, toi. Stranger Things Experience là. Non, tu... je suis pas allé. Ah non, mais meuf. Je tournais un long métrage. Ta meuf va y aller. Oui, y aller. Elle y est allée. Bah, bien sûr, évidemment. Elle s'est fait inviter, mais elle m'a dit que t'étais pas ouf. Mais tu sais, elle avait fait le Secret Cinéma à Londres. Vous connaissez ce truc, Secret Cinéma? Il se marre, l'autre. Non. Ouais. C'est toi qui me fais rire, parce que t'as vraiment cherché quelqu'un. Du podcast. Non, t'es éloigné petit à petit, tu sais. Mais vous êtes allé. Non, toi, t'es allé. Non, mais ta cousine. À un moment, ta cousine, il a dû y aller. Ah, donc j'ai raison. Elle est bien un proche qui y allait, ta cousine. Non, mais parce que je savais que j'avais Clara. C'était sûr qu'elle y était allée, donc je savais. Voilà. Mais elle a fait le secret. Vous connaissez Secret Cinéma ou pas? Non. En fait, Secret Cinéma, c'est vous allez à une. Non, non. Bon, attends, laisse-moi te dire. Non, je sais pas, non. Ah non, bon, tant pis. Non, vas-y, raconte. Non, et tu vas voir le film, mais dans l'ambiance du film. Par exemple, si tu vas voir Blade Runner, ils ont recréé les rues de Blade Runner. Ouais, c'est ça. Avec des lames. On se trouve en ridicule. Non, mais c'est vraiment. Ils recréent l'ambiance du film dans le film que tu vas voir. Bah, c'est pas mal. Genre, Retour vers le futur, ils avaient recréé. Mais tu regardes le film, c'est pas juste. Ah, si, tu regardes le film aussi. Ils avaient pour Retour vers le futur, ils avaient recréé Il Valet et t'avais vraiment le truc, les DeLorean. Mais du coup, il y a de la lumière dans la salle. Non, au bout d'un moment, tout s'éteint. Et tu regardes le film, c'est pas une salle. Et c'est là vraiment... où je peux manger mon croque monsieur. Et tu peux manger ton petit croque. Non, non, ils recréent le truc et c'est franchement c'est vachement bien fait. Je sais qu'en France ils avaient essayé de le faire avec Terminator 2 aussi. Enfin, et vraiment c'est pas mal foutu. Et c'est genre le foutu. Grand bleu, t'es dans l'eau, du coup tout explose. Ouais. Et ben les mecs ils pensent pas aux conséquences, tu vois. Moi ça me donne pas envie de. Ça me saoule. C'est vrai, avec le recul. C'est j'ai vrai pas que ça vu me le grand bleu en plus, je l'ai pas vu. C'est une connerie. Ils ont merdé. Est-ce que comment vous gérez vous le regard des autres par exemple quand vous faites. Il y a des actes. Ouais, bah oui, bah à la base c'était lié à la question. Ouais, c'est vrai que là, du coup, on a pris un petit virage. Non, mais c'est drôle. Non, mais parce qu'on parlait de coureurs qui se jugent. Non, mais on a l'air con quand on fait du sport. Hein. Ouais. Bah, moi, déjà, je fais du sport chez moi parce que. Et ton chien te juge? Oui, mais elle adore. Trop mignon. Elle me regarde, ça me donne de la force, la se fort. Mais, bah non, mais on a. T'as l'air con. Ouais. C'est assez vite quand tu fais du sport, je trouve. Moi, c'est surtout qu'à la salle de sport, quand je faisais autre chose que courir. Les mecs des fois venaient me donner des conseils, m'aider, ce qui m'humiliait encore plus. Ça c'est pour ça que mais c'était gentil parce que vraiment je le faisais mal. Après, là vraiment tu vas te faire mal. Ils voulaient coucher avec toi. Peut-être aussi. Bah, après c'est vrai que dans une salle de sport, Tu choisis mon physique. Tu viens chercher quoi? Et vraiment, il me disait non, le mouvement c'est plus comme ça et tout machin, deltoïde, enfin des mots que voilà. Et, oui, mais en même et du coup, temps, j'ai arrêté de. J'ai fait que courir. Et la salle de sport, je pense que c'était un des endroits les plus angoissants pour moi, avec genre un théâtre et la salle de sport, les deux. T'y allais un peu? Où? La salle, ouais, une fois où j'étais vraiment au plus bas de ma vie et, et ma mère elle m'a dit viens on va à la salle de sport et j'étais pas en capacité de refuser donc elle m'a traînée et là je suis arrivée, il y avait des réflexions grossophobes, racistes, tout ce que tu veux. Ah sympa, c'était vraiment la no-go zone. Et j'ai dit un peu au mec genre ouais moi bah j'ai du bide et tout, il m'a dit ouais j'ai vu. Et j'ai dit bah je vais retourner bouffer des bounty en fait. Le milieu du sport fitness et tout. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Mais le problème c'est qu'ils sont un peu monomaniaques sur le corps et quoi que tu dises, ils vont tout ramener à tes mollets genre alors que tu vas raconter alors des trucs. Alors que le bienfait numéro 1 du sport, c'est de se sentir bien dans sa tête. Non mais globalement quoi. Moi je trouve que c'est la raison numéro 1 pour laquelle je fais du sport, c'est que tu te sens bien quoi. Je m'en fous de l'esthétique, c'est vraiment secondaire quoi. Moi j'ai quand même la flemme. Moi j'ai du mal à, tu sais, il y a ce truc de. Je te mets une droite. Bah franchement, je te tends la joue. Ouais. J'ai dû, en fait. Ce truc de la drogue que tu. Qu'on appelle la dopamine? Non, c'est quoi? Non, c'est la kétamine. C'est l'endorphine. Okay. Moi j'ai beaucoup de mal à l'avoir par exemple. Moi j'ai beaucoup de mal à me motiver à faire du sport. Ouais, et le moment où ça devient agréable, ça prend beaucoup de temps. Ça vient quasiment pas même. Moi j'ai l'impression de perdre du temps dans ma journée aussi. Ouais, je comprends. Que je pourrais placer des trucs en bourse, tu vois, faire des. Créer un jeu de société. Oui, faire de la crypto. Mm. Pas participer à Plush, le dessin animé. Devenir une crypto. Ah, j'ai entendu parler de ça hier. Ouais, c'est Lucas, succès, ça. Ouais, Lucas, ouais. Je suis investisseur. Je suis investisseur également. C'est vrai ou c'est j'ai pas mon vrai t-shirt. Ah, mais c'est vrai. T'as un rapport avec ce film? Non, non, zéro rapport. Surtout pas. J'ai surfé sur la good vibe. Mais moi par exemple le spot, j'ai un bouchon de biberon. Il te menace. Je te menace avec un bouchon. Mais c'est mignon. Un peu toxique je trouve le truc de, j'ai tu vois les salles de sport où t'as marqué des phrases, trucs genre ouais. No excuse, pas d'excuses et tout. Bah si, il y a plein d'excuses en fait. Ferme ta gueule. Ça coûte cher déjà. Oui, ça coûte cher. Il y a des gens qui ont des. Toi tu faisais du basket, non? Ouais, j'en fais toujours. Et ça, est-ce que t'es gêné genre, parce que moi j'ai déjà imaginé aller faire du sport avec des gens. Et je me suis dit, ça peut être sympa de rencontrer des gens et tout, mais je me suis dit, je vais être nulle. Et en plus, parfois, j'ai des traumatismes de jeu d'équipe, tu sais, de centre aéré et tout, où vraiment, j'avais pas du tout de motivation à gagner le jeu, je voulais juste me casser. Et du coup, ça me fait penser à ça, tous les trucs de sport d'équipe. Ouais, les sport-co, j'ai exactement la même chose. Sport-co, j'ai du sport-co. J'avais pareil quand tout le monde a acheté Overwatch et que je l'ai acheté 6 mois après. J'avais un truc de, mais en fait, vous êtes trop bon, donc je vais pas m'amuser, je vais vous ralentir. C'est dur de commencer. C'est un jeu vidéo. Vous lisez trop bien l'heure. Arrêtez. Moi je suis là à regarder les aiguilles et tout. Vous êtes. Moi je mélange la petite et la grande aiguille. Une minute est passée. C'est même plus l'heure du coup. Et le sport c'est pareil. Des fois on se fait un fight. Je fais mais en fait vous allez me détester. Je vais taper à côté. Ça va être la chier. Mais c'est dur de se mettre à un sport collectif une fois adulte parce que t'as que avec des mecs qui jouent depuis l'enfance et tout. Mais en revanche pour reparler de un peu du thème de la question, c'est vrai que moi parce que je joue souvent à la Oops Factory où il y a des caméras qui filment et après tu peux regarder tu peux accéder sur le site, tu vois tes perf, tu vois ton match quoi. Et la première avec fois avec les boîtes vidéo gag. la première fois que moi je pensais que j'étais stylé, un peu gracieux et tout, je me suis vu jouer, je fais je suis un gobelin en fait quoi. Vraiment un peu voûté genre vraiment horrible quoi. En plus un peu en vrai je pousse vraiment des cris mais parce que je suis vieux quoi. Donc chaque effort je fais et en plus c'est horrible parce que moi je suis un peu un mec un peu rugueux, tu vois, donc je vais au rebond, je vais à la castagne et tout. Et donc je pousse des cris et les mecs croient qu'ils m'ont fait mal. Donc ils font ça va et tout. Je fais mais non, mais c'est l'effort, mec. Touche-moi pas. Je suis dans le sport. Tu me salis. Mais ça, je pense que c'est n'importe quoi où tu te vois filmer. Genre, moi, j'ai comme exemple, on m'a déjà montré un concert que j'ai fait et pareil, je pensais que c'était trop stylé et j'ai dit je ne veux plus jamais voir une image parce que pareil, je me déplaçais comme un Oompa Loompa. Genre, tout ce que je disais, en fait, je pensais que je parlais comme ça, mais en fait, je parlais comme ça. Genre, c'était horrible quoi. Moi, les premiers flots de cas, c'était très dur d'entendre ma voix. vois. J'avais aussi un truc de. Oh là là. Ah ouais. Ouais, ouais. Moi, je me suis trouvé chambé dès le premier. Moi, c'est, là, c'est l'image plus. La voix, ah ouais. C'est chaud un peu, mais l'image, c'est encore plus chaud, quoi. Bah, c'est moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai complètement arrêté d'être comédien ou de faire des trucs. J'aime pas du tout. Même les stories où je me filme, c'est devenu très très rare. J'ai vraiment un truc ah ouais. Où je me saoule. Et même si tu mets un filtre Shrek, par exemple. Ouais, si je mets un filtre Shrek, je peux me laisser tenter. Ok. Mais non, j'ai vraiment beaucoup. Je t'en enverrai quelques-uns. Ah, tu me régales. Filtre Shrek. Un enfant de 13 ans a été banni d'un parc d'attractions. Ça, c'est une chanson de Calogero, oh ouais. Par contre. À votre avis, pour quelle raison? Il a grugé, il a trouvé une faille. Alors oui, mais c'est un peu large. Il a couché avec sa mère. Excuse-moi, ça s'appelle des indices, en fait. Alors, tu es très éloigné de la réponse. Dans le manoir hanté. C'est à cause de Beau Is Afraid. C'est le gosse qui se fait bannir, en plus. Le goth. Tu connais tous les termes, toi. Moi, c'est ça. Le goth, le noob. Oh, pas mal. J'ai que ça, par mais quoi coubé, en fait. Ouais. Apagnant. Apagnant. L'écran T, vous avez. Ah oui, hop là. J'ai dépensé tous mes écrans T en venant ici. Oh non, apagnant. Si. Oh là là. Les trois mousquetaires, apagnant. Je suis en train de clapper en dessous de mes genoux, là. Oh, vous êtes en train de le faire devant mes yeux. Varine, donc, fille. Il a... un truc par rapport au fil d'attente où il a un peu resquillé. Mais non, pas est-ce du que tout. C'est grave? Ah, de doubler dans les files d'attente? Non, c'est ça, oui. Ça, oui. Ça, je le ferai pas. D'ailleurs, mais... on parlait de. Pas du tout, on parlait, j'ai juste fait un jeu de mots sur les trois mousquetaires. Au début des trois mousquetaires, D'Artagnan, il double la queue pour devenir mousquetaire, et du coup, je pouvais pas l'aimer de tout le film. Ça, c'est un kill the cat pour moi. Ouais, exact. Putain, mais t'es scénariste. Je suis scénariste professionnel. Ouais, attends, mais il y a un truc d'urgence, non? Oui, non, mais en gros, tu l'as vu le film? Ouais. Tu sais, en fait, il y a plein de mousquetaires. Et tu l'as vu au moins le film? Non, tu l'as. Tu dis n'importe quoi. Le bouquin, tu l'as lu ou pas? C'est juste les films, on se pose le cul avec son propre monsieur là, puis on regarde. Avec son Dumas, ça te dit quelque chose? Ouais. Non, mais en gros, tu sais, ils font la queue parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir mousquetaires et il arrive D'Artagnan. Et le gars dit bah là il y a 3 jours de queue parce que il y a beaucoup de gens qui veulent être mousquetaire. Et en fait il double et il y a aucune raison qu'il double à part il est pressé. Ah ouais. Bah je pensais qu'il y avait un truc. Oh là là. Là ça m'a rendu fou. Okay. Ça m'a rendu fou. Il double. Il fait ah poussez-vous. Exactement. Non. Il dit oh regardez la base c'est Porthos ou Aramis et il double tout le et monde. Et après il dit quoi Coubert. Quoi Coubert. Et après et Vincent Cassel fait le signe de Jules. C'est peut-être pas dans tous les films Vincent c'est. J'écoutais ça faire rire quelqu'un à un moment donné. J'imite très bien Vincent Cassel quand il se coigne dans D'Artagnan. Ah, vas-y. Attention. Ouais. Pour moi, c'était allez, François Cluzet, mais. Ah, je fais très bien François Cluzet qui allez. Joue Vincent Cassel. Vas-y. Ouais. Y a mais une... vous voyez non, mais... pas les mains aussi, ouais, mais tout ça. Est dans les mains. Il joue beaucoup. Bah, imaginons une situation comme ça. Vas-y. Bon, Vincent Cassel sort du château et il croise un lynx qui lui hurle dessus. Alors, on y va. Ouais. Merci de m'avoir donné un rôle en tout cas. Ah, c'est à l'image du cinéma français. Tout le monde si, sait faire. Il y a quelqu'un que tu imites très bien, je sais plus qui. Oh non. C'est pas Vanessa Paradis. Ils me pointent tous les deux du doigt. C'est pas Vanessa Paradis. Ouais, mais quand elle chante, du coup, faut qu'elle. C'est bizarre. Attendez. Non, mais tu es sûr que tu attends, peux le faire en parler. Il peut écrire un court métrage. Je sors d'un long métrage, donc je peux complètement inventer la situation. Le réal. Vincent Cassel sort du château et il croise un lynx qui l'attaque. Heureusement. Il y a Vanessa Paradis qui prévient les autorités de la situation. C'est parti. Ouais. Cap. T'as rajouté que Vanessa Paradis était un peu anti-flic, quoi. Mais... J'ai dû faire semblant de me mettre un truc entre les dents pour. Bah, t'as besoin pour t'immerger. Mais un peu moi, la il faut Day-Lewis, que je me mette dans le personnage. Très bien. Pour revenir à notre enfant de 13 ans qui a été banni du parc d'attractions. Il a planté est-ce quelqu'un. Est-ce que c'est grave juste ce qu'il a fait? Alors, c'est pas grave, mais c'est un peu con. En fait, c'est-à-dire que c'est un peu la double peine. C'est-à-dire que non seulement ça lui est arrivé un truc pas ouf. Et en plus, il s'est fait bannir du parc d'attractions. Il n'a pas mis de droite à Panorama. Il a jeté du faux vomi sur les gens. Ah, j'allais dire un truc. De potes, quoi. Ouais. Il s'est enfermé dans le parc. Alors, il ne s'est pas enfermé dans le parc. C'est un prank? Non, pas un prank. Il a rien jeté sur personne. Non, il n'a rien jeté sur personne. Il s'est. Il s'est mis dans un déguisement de mascotte. Il a fait oh, bah, je suis dingo. Moi je l'aurais pas banni pour ça. Non bah non, surtout qu'apparemment il avait la voix un peu d'Aznavour. Est-ce que c'est sur une attraction précise? Alors c'est pas une attraction en vérité. C'est l'hôtel. Pas l'hôtel. C'est un restaurant. Comment? De Barba Papa. Non, pas un restaurant, pas un stand de Barba Papa. Dites-vous que, parce que c'est ni un. C'est pas Disney, c'est pas le parc Astérix, ça se passe aux États-Unis déjà. Et non seulement il y a des attractions, non seulement. Mais il y a aussi autre chose, des trucs un peu de fête foraine. Il a tiré sur quelqu'un avec son gros fusil à pompe là. Non. Si c'est des fusils à pompe, c'est très dangereux. Mais ni un fusil à c'est pompe. La pince, le truc de la pince. Oh, truc de la pince. Oh. Qu'est-ce qu'il il est rentré dedans. C'est une très bonne réponse. Il est rentré dans la machine à pince pour voler les pluches et il est resté malheureusement coincé. C'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et il s'est fait bannir. Et il s'est fait bannir parce qu'il a essayé de voler des peluches. Et les pompiers, ils ont mis des pièces pour pouvoir le récupérer. Essayer de le récupérer. Et ils ont pas réussi parce que c'est truqué tout simplement. Alors ce n'est pas truqué. Non, ça, j'aimerais bien l'appeler. Ton char, de quel côté? De droite. Écoutez. Ça fait deux secondes, tu peux reprendre ton char. Reprends ton char. Allez. On t'écoute. Permettez-moi de reprendre mon char. Ça dépend, tout simplement. Il y a des gens, et moi je peux vous le dire, parce que moi je suis accro à ça, malheureusement, j'ai une vraie addiction. Ah ouais, je suis pas accro. Ouais, une vraie addiction. Non, mais tu sais, au jeu. Attention, c'est un sujet. L'addiction, c'est quand même un truc sérieux. C'est une vraie addiction? Non, une fausse. Ça va, les woke? Ouais, mais je suis woke. C'est du jeu d'argent, c'est du jeu d'argent quand même. Ça reste des jeux d'argent. Ouais. J'ai claqué 60 balles, j'ai claqué dans ces jeux à pince. C'est rien, 60 balles. Bah donc, tu te dis qu'il y a un problème. Avec les millions que tu possèdes. Je trouve que t'en fais un peu des peluches Sonic qui vaut 3 balles. C'est beaucoup, 60 balles. Franchement, j'arrive pas à lâcher. J'arrive vraiment à un truc de je veux la peluche. Et tu voulais quelle peluche? C'était une peluche Ville Coyote que je voulais offrir à ma fille. Villepin. Peluche Dominique de Villepin. Elles sont très rares. Non, mais et en gros, je peux te dire très vite, moi maintenant, si comment la pince réagit au truc, je peux te dire c'est truqué ou pas. Très très vite. Et il y en a qui sont truqués et il y en a qui ne sont pas quand truqués. Quand je paye 60 balles, c'est que c'est truqué. Non, mais ça dépend vraiment des trucs, voilà, tout simplement. Mais il y a des légendes, ils disent qu'apparemment il y a des trucs où la pince, les peluches sont trop lourdes, ou les peluches, tout le monde a un peu sa petite. Non, mais je crois que. En fait, mais moi j'ai déjà attrapé plein de peluches aux pinces. Non, mais. Bah, montre. Truqué, ça veut pas dire. Non. Truqué, ça veut pas dire que c'est impossible, mais ce qui se dit en tout cas, c'est que la pince. Genre une fois sur 20, elle va se refermer à sa puissance max et que le reste du temps ça, j'y crois pas moi. Ça j'y crois pas. Je pense pas que la machine ait un truc qui compte. Ça j'y crois pas. Ah ouais. Ouais, j'y crois pas. Ouais, bah, et vous engueulez pas. Alors parce que moi à chaque fois je vois que c'est juste la pince qui caresse la peluche. Bah, ouais, ça ouais, ça fait rien. Et de temps en temps, elle se resserre un peu plus et du coup tu dis ah, il y a moyen de gagner, je continue. Tu peux la choper. Mais c'est comme les femmes. Quoi? Attends. J'essaie de voir. Parce qu'apparemment, on peut choper des femmes. En les caressant. Avec une pince. On les caresse avec une pince. Avec une pince. Attends, c'est très éloigné de tout ce que je croyais. Plus tu serres, moins elle s'en va. Ok, moi je crois que c'est pas du tout ça. Wow. C'est un enfer. Attends. Je vois plus. Je suis aveugle. Il a perdu la vue. Tu cours trop aussi. Elon Musk. Oh là là, bah, on l'aime pas trop. Ah, j'ai entendu, j'ai oublié. Non, mais lui, c'est Iron Man. Non, attends. J'ai l'impression. C'est un milliardaire fou en fait. Il va aller où jusque-là, comme ça? Dans l'espace. Bah, je crois, il a plus de limites. Bon, il a transformé le service presse de Twitter. À votre avis, de quelle manière? Il l'a transformé? Ouais. En service de Kwakubé. Moi, j'aime. J'aime bien parce que je me dis peut-être des gens réécouteront ces épisodes. Tu sais, ça donne des. J'ai reçu un message sur Twitter d'un gars qui dit à la fin d'un des. Il a écouté des vieux podcasts et c'est pour critiquer. Mais non, mais c'était mignon. Apparemment, ouais. À la fin, on partageait nos Snapchat. Et oui, Snapchat ça existe toujours d'ailleurs, donc je vois pas le problème. Oui, mais c'est plutôt des. Ils dealers, ont des filtres pour chiens. Ils ont des filtres pour chiens. Oui, c'est le seul filtre qui marche sur les animaux. Tu vomis des arcs-en-ciel, mon pote. C'était ça sur Snapchat. Ça c'est old. Ça c'est old. Moi j'étais au lycée en perso. Ah ouais. Toi aussi apparemment vu que t'es jeune. Pas si jeune. De jeune. Non, si t'es pas jeune. Si jeune. T'es jeune, Lucas. T'es comme mon gosse. Tu pourrais être mon gosse. Hein. Je tousse du sang. Ah. C'est vrai. T'es pas jeune. Non. Moi j'ai déjà chié du sang. Ah ouais. Mais dans quelle occasion? Par plaisir ou? Pur plaisir. J'ai filmé aussi. Non, ça fait un peu mal. Je recommande pas. Mais attends. C'était chier du sang ou alors juste ça, t'as eu une petite fissure et t'as saigné? Les deux. Une petite fissure et t'as un peu de sang, ça c'est pas très ça grave. Ça m'arrive, mais alors. Ça, c'est au quotidien. Quand, quoi, quel quand jour ça ne m'arrive pas? Non, mais ça peut ton arriver. Le cul tu est vois fissuré. Ça a pu m'arriver. Non, t'as déjà mis une caméra dans le cul ou pas? Caméra, non, mais un bon spéculum par contre dans le cul, ouais. Un spéculum? Bah oui, un spéculum c'est pas. Pardon. Mais c'est un gâteau, attends, qu'est-ce que tu racontes? T'es malade de faire ce genre de blague! Ouais, je suis un doudingue. Pardon, en plus je sais même plus de quoi en parler. Du spéculum dans le cul, t'es à peu près là. Juste avant d'aller. T'as être fait animateur. Une blague? T'as fait une blague ou pas? Pour faire passer le moment moins gênant. Non. Okay. Non, vraiment, t'es un ami de mon père en plus, qui était gastro-entérologue. Non, c'est pas genre chez on lui. Accusé. On se marrait. Est-ce que t'étais consentant? J'étais, non, oui, mais j'avais un, non, j'avais oui. un petit truc, une petite. Une sorte d'excroissance. On, ah, qui merde. Pouvait s'apparenter à un tumeur. Un truc, voilà, ça n'en était pas. Ah, cool. Et, mais il a fallu me mettre un spéculum dans le cul pour faire ce diagnostic. Et après. On dirait un conte de Noël. Ça me fait penser à un conte de Noël. Et après, je me suis torché le lubrifiant que j'avais dans le trou de balle, et puis je suis allé faire l'animateur de centre de loisirs avec les enfants, avec un bon cul bien dilaté là. Eh oh, jette pas la balle sur ton camarade. Mon trou de balle fait 5 cm de diamètre au moment où je parle. Adrien, ta voix est différente d'avant. C'est vrai qu'il y a tout un courant d'air qui va passer. Si tu t'assois sur la balle, elle disparaît. Tu parles comme Miossec, qu'est-ce qui se passe? C'est comme vraiment une bouteille. Adrien, quoi. Pourquoi dès qu'il y a du vent, ça fait une bouteille? C'était un didgeridoo. Un bâton de pluie. Adrien, refais-le. Adrien, tu peux ramasser ma balle, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant est derrière et dit merci Adrien. Ça fait merci Adrien, merci Adrien. Parce que t'as la bouche ouverte encore. Oh là là. Bref. J'ai bien aimé ce moment. Ah, mais c'est... Alors. Pardon. Donc oui, Elon Musk, il a transformé le service presse. Ah oui, oui. Il l'a transformé. Il l'a genre. C'est plus un service presse, c'est devenu autre chose. C'est en toujours gros. Un service presse. Mais quand tu envoies un mail au service presse de Twitter, il se passe quelque chose. Oh, le connaissant, c'est une dinguerie, je pense. Oh bah c'est une dinguerie. Est-ce que c'est genre une réponse automatique? Exactement. Qui Fun. Dit. Qui se veut, mais qui est pas détecté. Ouais, qui dit, hé, vous voulez qu'on réponde plus vite? Payer le truc pour avoir le machin non. là, non? Ouais, il dit, je peux pas répondre, je suis dans l'espace. Non. Ça, si le mail se termine par quoi, et ça répond quoi coupé. Et si ça se finit par c'est what coupé aux États-Unis. Il dit ah, pas niant. Et après, il y a un gif d'Elon Musk qui fait écranter en fait. Bon, alors, on va faire cette blague encore 6 fois et après. Non, mais. Bon, je suis peut-être un peu vieux. Ça j'en vient... sais rien. Non, on sait pas d'où ça vient. C'est... Pauline, elle sait, quoi connaît. Couper ouais. Non, non, je, ça veut rien ouais, dire, je crois. Bah, ça vient de TikTok déjà, non? Hop là. On est tous des ringards. La jeune. On est tous des ringards. Ça vient de TikTok là. Vous avez l'appli? Pour moi, c'est juste un gars qui a inventé ça et oui, ça a été filmé et genre après, voilà quoi. Et je crois que c'est un vrai fléau dans les écoles par contre. C'est pareil. Oh, mais nous, on faisait coiffeur, c'était pareil. Non, oui. Moi je faisais pas coiffeur. Moi je faisais pas coiffeur. Je faisais de la calligraphie moi. Excuse-moi, pardon. Moi je pleurais près du radiateur. Mais c'était plus efficace quoi. C'était faire juste, tu vois. Ouais, c'était voilà. fini. Quoi, là, il y a une mise en place. Ouais, il faut bien il y a trois phrases, il ouais. y a de la danse. Ouais, mais comme ça, ils sont créatifs les jeunes. C'est énorme. Moi je sais pas. Ouais, non, mais moi je dis souvent, faut que jeunesse se fasse. Exactement. Et je préfère qu'il fasse ça qu'il fume de la drogue. Ouais, tu m'étonnes. Bon, Elon Musk. Il y a une réponse automatique. Ouais. Et c'est. Est-ce que c'est de la part d'Elon Musk en personne? Non. Parle bien dans ton micro, Adrien. Je suis vraiment dans mon micro. Ah, je l'entends pour la première fois. Ouais, je l'entends pour la première fois. Peut-être régler le bien dans le micro alors. Le roi, Nolwenn Leroy. Ah donc on m'entend pas depuis le début de l'émission. J'entends le loup et le renard chanter. C'est là que t'as fait. Non, nous on était en petite connivence là, de potes. On se touche les pieds depuis tout à l'heure. Ouais. On a les orteils comme ça là, entre croisés. Donc c'est une réponse qui incite les gens à faire quelque chose? Non, justement. Plutôt l'inverse. À se taire. Qui les décourage, qui dit. Non, ça les incite à se taire. Il supprime les messages directement sans les lire. Non. Et il dab. Non. Il dit hey, j'espère que votre message il est vraiment important, sinon on supprime votre compte. Non, pas du tout. Bah, je sais pas, parce c'est que l'inverse rapide. D'inciter parce les gens, c'est. Non, mais c'est pour dire, allez. Ah, il y a marqué juste, on ne répondra pas. C'est l'équivalent en emoji. Il y a l'emoji avec la fermeture éclair sur la bouche. Non. Il n'y aurait rien. Pas mal. J'ai la clé. Alors attends, ça répond juste un emoji. Attends. Ouais. Ah. L'emoji. Tête de mort. Il y a 6 têtes de mort. Genre, je vais te tuer. Un emoji qui veut dire on ne répondra pas. En tout cas, un emoji pas sympathique. Le doigt d'honneur. D'ailleurs, on l'a dit en même temps. C'est fou, mais. Vous partez en vacances ensemble. L'emoji fantôme. Non. L'emoji. Alors attends. L'emoji que... monsieur qui a les mains en l'air. Genre. Non. Alors attends. L'emoji affiche de stand-up. Là. On va filtrer. On va filtrer. Est-ce que il y a c'est... la pièce qui va avec. Est-ce que ça fait partie des emojis genre smiley quoi, petite tête jaune? Non. Est-ce que c'est les emojis mains? Non. Est-ce que c'est les emojis? Mais attends, t'as une culture en emoji qui est sans fin. Avec des personnages un peu qui ressemblent à des personnages. Tu vois, c'est un personnage. Donc tu es ça a des yeux. Ça a des yeux. Non mais mais moi je parle en termes de catégorie là. Diable, genre par exemple celui qui lève les bras. Ah, non, c'est pas cette catégorie là. Pardon. C'est un objet. Non, c'est pas un objet. Alors attends, c'est un chat. Je sais, c'est un emoji de vieux, genre t'es trop vieux, t'envoies des messages. Ah, ah non, des c'est mails, pas ça. Ah, pas mal. Non. Mais donc c'est pas. Parce que, c'est, parce que ça, c'est dans la catégorie de, que je disais. L'emoji du vieux. Avec... Non, c'est pas ça. Mais c'est okay. pas ça. Donc c'est un personnage, un animal. Non, un animal. Pas un animal. C'est un emoji très souvent utilisé. Hein. Pouce. Non. Attention, parce que s'il est dans une des catégories que j'ai dit et que tu m'as dit non, ah, il a des je yeux. Peux vraiment briser un meuble. ça a des yeux. Ouais. Donc, mais c'est pas un humain. C'est pas un humain. C'est un animal. C'est pas un animal. C'est pas un animal. C'est, pas un animal. Non, c'est pas la tête de mort, on a t'as dit. T'as dit quoi? Non, je répète que. C'est la lune. Non. Non, il est. Ah oui, non. Non. Attention. C'est une merde. La merde. L'emoji merde. Mais c'est nul. Ça répond. Donc c'est dans aucune catégorie, c'est le bon, bébé. Tu vas pas briser un meuble. C'est bon, c'est bon. Okay. C'est un peu. Oh non. Non, non, c'est ça dur. Va. Je pense que c'est dans la catégorie des. Les emojis jaunes. Jaune. Ouais, il est pas jaune du tout. Les pas premiers, t'as raison. Non, mais t'as raison. L'emoji, c'est quoi couper, mon pote. Quoi couper. Et il répond. Oh bah, quoi couper, partager. Ouais, mais moi, mon but maintenant, c'est d'employer la plus mauvaise gestion possible. Ok, ça marche. Ce 19 mars, son patron, le patron de Twitter, quel Elon Musk, a annoncé que la boîte mail de l'équipe presse de la plateforme était désormais automatisée. À la réception de n'importe quel message, un emoji crotte est désormais instantanément envoyé. D'ailleurs, l'apparente puérilité de cette initiative, on retrouve une stratégie déjà éprouvée par Elon Musk, qui a par le passé démantelé le service presse de son autre entreprise, Tesla. Il aime pas la presse. Il déteste les médias comme Jean-Luc Mélenchon. Bah, c'est les... Ils ont beaucoup de points communs, hein. Ouais. Elon Musk et Jean-Luc Mélenchon, c'est... Physiquement, déjà. Deux sosies. Quoi deux couper potes. Quoi ouais. couper. Mais oh là là, quel vieux mec. Ouais. Oh là là, quel enfer. Bon, il va fort quand même. Ouais, non, mais bon. Molo le sur jour les termes. Où t'auras réussi pareil. Ouais, on en reparle. Moi, je vois de la jalousie dans ce que tu viens de dire. C'est vrai, principalement. Je vois de l'envie aussi. Ouais. Je vais probablement maigrir. Bien sûr. C'était qui ça c'était... Les jaloux vont maigrir hein. Ouais. Je sais pas. Pour moi, c'était une expression. Non, pour moi, c'est la fouine. Il le disait aussi, mais non, c'est quelqu'un d'autre. Je cherche. Non, je trouverai. Un témoin de mariage s'est fait ouvrir le front lors d'un enterrement d'une garçon. Que s'est-il passé? Bouchon de champagne. Oh que non. La coup bague. De boule, coup de boule. Ah, de jalousie. C'est Mokobé, pardon. Les jaloux vont maigrir. C'est ok. Ça. C'est un objet. Mokobé. C'est un objet. Quoi oui, quoi couper. Quoi couper des chanteuses. Peut-être. Bah, c'est le titre. Ça y est. Bah, ouais, bah, évidemment. Évidemment. Ça me ferait plaisir pour mon anniv. Bah oui. On peut. C'était hier après. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que c'est mon premier cadeau. C'est pas vrai. J'ai c'est pas triste. Eu de cadeau encore. C'est le... Oui, bon. Non, mais ça me fait plaisir. Tu sais que j'ai passé au moins 30 minutes à le faire. C'est pas tant que ça, mais c'est. Non, ouais, pour moi, c'est long. Pas énorme. Non, mais pas c'est énorme, très gentil. Tu ne trouves pas que c'est trop blanc autour? Trop... Non, non, c'est bien. J'ai hésité. Vous trouvez fait. Ça toujours trop blanc, vous, les woke? Ouais, excuse-nous. C'est de pas nous très inclusif comme peinture, je vais le reprendre. Donc, le témoin de mariage. Donc c'est pendant l'enterrement de vie de garçon, ce qui est quand même déjà un bon indice. Ah, bourré donc. Alors il était bourré, mais c'est pas de sa faute. Il a est-ce rien que fait, ça implique un flingue? Oui. Ah non, j'avoue. Ça réduit. Ah, est-ce que c'est genre il a tiré genre au flingue et avec le recul, bam, dans sa tête? Non. On peut dire que c'est ça. Ok. Pour mon ça. Bonne réponse. Quoi couper. Attends, mais il y a un flingue dans l'histoire? Il y a un flingue, mais attention. Pas un flingue un à plomb, flingue. Pas un flingue. Un vrai flingue, ouais, c'est un truc qui lance de l'alcool. Voilà, alors c'est pas ça, mais on s'approche. Un super soccer. Qu'est-ce qu'un super soccer? Tu sais, les. Ah ouais, il branle l'air, branleur d'air. J'ai le droit de me branler pendant que je parle, pendant l'émission. Bah, ou non, pas c'est littéralement l'inverse de la quoi loi. Coucou, branle. Pardon. Coucou, maman. Elle écoute tous les épisodes, maman. Ah, ça fait plaisir. Mais elle sait ce que c'est, quoi, couper maintenant. Ah, l'autre fois, elle m'a dit oh, regarde. J'ai dit quoi? Elle m'a dit quoi, couper? Avec cette voix là. Oui, elle parle comme ça. Elle est montée avec nous dans le Quacoubus, quoi. Direction le délire, finalement. Destination Perpignan, non, à Pagnan plus. Oh, oh, excellent. T'as ri comme Eleanor Cos, c'est drôle. Oui, tu sais qu'on s'est rencontrés, on a fait ça pendant une heure. Ah bah oui. On se regarde en droit dans les yeux. Elle a fait ça aussi ou pas? Après elle m'a dit t'as peur de la mort toi aussi. C'est mon casque. Après, elle a lâché une caisse après. Ça bon. J'aurais beaucoup Eleanor, aimé mais elle a pas fait même. J'adore les gens qui pètent. Ah bah Eleanor. J'aime attention. Les gens qui pètent. Ma chanson préférée. La face B d'Anne Sylvestre. Ouais. Quoique bête. Pardon, café moi. Ouais, t'as raison. Mais là, on se tape en pur délire. Je crois que les gens apprécient autant que nous. Peut-être même si les gens n'aiment pas l'épisode, nous, on se sera bien marrés. Donc, ouais. Elon Musk. Non, je ne sais pas. Non, le mariage. Donc, attends, oui, donc un super soccer, c'était, vous savez, les pistolets à eau où on pompe et c'est ça fait bon. De la pression et ça part. Non, le jet part. Et ben, il part comment? Est-ce qu'il part sur un lynx? C'est aussi un peu Vincent Cassel, du coup. C'est hyper haut la note. T'es baryton. Je sais pas, je connais pas en fait. Baryton, c'est l'inverse. Maître baryton. T'es Barry White. Non, mais j'ai un. Comment on dit? Un range, une tessiture. Un spectre. Oui, mais non, mais. Un spectre, je sais pas comment on dit. Bah, allez, vous savez mieux que moi, peut-être. Je suis balavoine en fait. Balavoine avec la voix de lynx. Jamais eu les pieds sur terre. Je l'ai raté. C'est mon fils ma bataille. Je vous débarque de son bail. Ok, ouais, je suis le nouveau Balavoine. Mais c'est vrai, t'es Balavoine. Starmania, si vous cherchez une doublure voix pour Johnny Rockford, je suis là. Oh putain. Il connaît par cœur maintenant. On a fait un long épisode où on parle pendant 45 minutes de Starmania. C'est vrai. Ouais. Je suis allé le voir, hein, le spectacle. Ouais, j'ai vu. Moi, je me suis fait recaler du casting. Mais en même mais temps, oui, c'est vrai. Ah, tu devais faire qui pour, si, je sais. Dis rien. Je parle pas. j'ai oublié ça. La serveuse automate, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, ah, exactement. Marie-Jeanne, tu devais faire. Et vous savez pourquoi elle s'appelle Marie-Jeanne? Ouh. La Genja. Ouais. Ça, c'est le trou de balle d'Anne. Non, ça c'est pas. Non, peut-être pas. Oui, non, c'est un DJ Edouard. Donc, c'est un pistolet à un truc. Un pistolet à t-shirt. Non. Bah, pas à alcool du coup. Non, pas à alcool. À capote. Non. Parce qu'après, il va se marier, il va plus jamais baiser le gars. À capsule. Non, pas à capsule. Paintball. Pas paintball. Qui lance des objets. Hot dog. Non. Trop bien, non. Qui lance des meubles. Un pistolet à meubles, mais c'est pour ça qu'il est blessé. Mais forcément. C'est pris une commode. Un buffet Eugénia. Non, douille. Oh là là. Le zozo. J'aurais dû vous revenir le truc. Le zozo. Bah oui. Pistolet à commode, mais on n'utilise pas ça. On est où là? Personne n'a prévenu en plus. Un pistolet à flamme. Non. Ah, non, un objet. Patate. Le patator là. Ouais, non. Non. Vous savez que c'est Thierry Lhermitte qui était fan du patator. Mais bien sûr, il y a une vidéo sur YouTube où il. Bah dans la grosse émission. La grosse émission avec Chabat. Moi, parce que je suis vieux de ouf. Il avait sorti le plus gros patator de France. Et mais je sais pas ce que c'est. Hein, c'est bah un distributeur. Dans le Picsou Magazine, il l'offrait des fois aussi. C'était un pistolet. Tu l'enfonces sur une patate, c'est ça? C'est ça. Et un après, truc, alors, c'est un truc que tu peux fabriquer toi-même. C'est vrai. Parce que toi, tu fais partie. Voilà. T'as le manuel des castors juniors. Non, mais quand Thierry Lhermitte, il faisait la démonstration dans la grosse émission, c'était un truc qu'il avait fait fabriquer lui, ah, avec une espèce de gros tuyau en PVC. Et en gros, tu le plantes comme ça dans sur une ton patate. Urètre. Et après, tu mets de la laque. Oui, ça a de la laque. Et hop, tu fermes, et du coup, ça fait de la pression. Et après, et ça fait un bazooka de pommes de terre, quoi. Ouais. Voilà. Et ben il a le temps Thierry de faire ça la journée. Bah il reste enfermé chez lui pour fabriquer ça. C'est un ermite. Quand il est enfermé comme ça, il doit pas beaucoup bronzer. Tu m'étonnes. Et le soir il mange un bon dîner de con. Le placard. All inclusive. Ah oui, si, il est dedans. Bien sûr qu'il est dedans. Ah, j'ai cru que c'était juste une fin de phrase. Je trouvais ça cool. J'ai dit, je vais l'appliquer pour mes dîners mondains. C'est une, ouais, c'est un trend TikTok qui lance. La totale, je vous ai fait là, j'ai l'impression. C'est un film avec Thierry Lhermitte. Ouais. Bah ouais. Je suis dans la ville, mais je suis pas un indien. Ouais, je commence à tirer par les cheveux un peu là, le truc. Ouais, Thierry par les cheveux, non? À Team Seat. Non. Oh, allez. Team Seat, il est dans un indien dans la ville. Team Seat qui gifle des gosses dans Un Indien dans la ville. Je sais pas si vous avez rematé. Non, mais pas dans ça, la ville. J'adore moi. Dans les films, moi je parle, attention. Parce que je me disais, Johan a les joues rouges. Depuis que tu l'as. Johan a les joues rouges. Ah, il y avait un petit peu de Delpech. Oui, et un peu de Morane. Johan a les joues rouges. Il y avait un peu de Morane. Ah, ouais. Ouais. C'est. Ouais, non, mais. Delpech, il sert l'apéro. Ouais, alors quoi? Eh oui, mais qui veut Chipo? Ouais, c'est Delpech. J'ai fait un. Ça va, Lucas? Ouais, c'est. J'ai fait un. Pour faire un petit AVC, moi. J'étais en réunion la dernière fois et j'ai fait un excellent jeu que réunion. Je conseille aux gens. Ouais, je taffe, pardon. Oh. Je suis dans le cinoche, en fait. C'est vrai? Non, et Patrick Sébastien, il a sorti il y a longtemps un album. Ah, qui s'appelle. Parodie. Pas de parodie, dommage, mon pauvre. Ouais. Qui s'appelle Copie Conforme, ouais, en toute humilité. Hein. C'est lui Copie fait, Comique, en fait. Quoi Comique? Non, bon. non, et en fait, il a fait tout un album, ouais, avec beaucoup de chansons, où il a écrit des chansons à la manière de grands chanteurs français, et après, il les chante, ouais, en c'est les imitant. Plagiat. Et bah, c'est un blind test où il faut deviner quel chanteur est limite. Ah, c'est drôle. Ce sera un super jeu pour le Floodcast. Et je l'ai fait et on m'a dit, mais fais-le dans le Floodcast. Bah, on le fera dans le Floodcast. Bah, on le fera dans le Floodcast. À tout moment. Mais là, il a ressorti un album. Faut que je fasse moi parce que bah, moi je connais la réponse maintenant. Où il se moque de lui-même un peu. L'album s'appelle Oh putain, c'est génial. Ouais. Et tu sais, c'est comme ça qu'il se fait. Avec le premier single, Oh putain, c'est génial. Oh putain, c'est génial. C'est pas Oh putain, c'est. Putain, c'est génial. Putain, c'est génial. C'est que de l'amour, etc. Et c'est donc, vrai en même temps. Il se parodie lui-même, tu vois. Donc il y a un côté genre, hey, je peux rire de moi-même. J'ai du recul. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il a fait une chanson qui s'appelle Les Baloches. Et il faut savoir qu'avec Adrien, quand on avait fait une parodie de Patrick c'est Sébastien, pour Gagne Moustache, on avait fait une chanson qui s'appelait avec PV Nova Pouette Pouette les couilles dans le slibar. C'était Prout Prout. Ah oui, parce qu'il y a Prout Prout les couilles dans le slibar. Et après, on avait fait une parodie de Patrick Sébastien Patoche. Non, c'était Prout Prout les glaouis dans le calbar. Il y avait les deux. Oui, c'est oui, mais ouais. La parodie de. Oui, parce qu'après, il y a la parodie de la parodie. C'est oui. Ça, c'était Pouette Pouette les couilles dans le slibar, et après, c'était Prout Prout les glaouis dans le calbar. Voilà. Vous êtes pointilleux sur les couilles. Bah, il y a de la sacème en jeu. Donc, de voir que le maître reprend. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose. Il y a une petite larme. Pour moi, le cercle est fait, j'arrête ce métier. La boucle est bouclée. Oui, le cercle est fait. Vraiment. Ouais, tu parles un peu mieux que moi. Donc, le pistolet. Un pistolet à quoi? Ah oui. Bon, un pistolet à colle. Non, mais pensez, enterrement de vie de garçon, c'est un peu délire ça. À slip. À bite. À bite. Oui. À capote. Alors, non, je l'ai capote. Déjà dit. Alors, t'es pas loin avec les bites en plastique. En god. God. Un pistolet à god. Mais moi, c'est comme ça que je dis parce que j'en ai jamais vu. Un pistolet à god. Non, une bite. Ah oui. Non, un god, oui, un god, mais un c'est, god, mais ça c'est ouvre pas un crâne. Alors si, parce que comment ça marche un god? Tu te le prends mais un pistolet à god, excusez-moi, ouais. J'en vois pas tous les jours, donc je me pose la question, j'ai le droit de la poser. Ah mais frotte-toi les yeux. Bah Thierry l'ermite, il en fabriquait avec de la laque. Il s'est frotté les yeux comme un petit bébé, hein. Un nouveau-né. Je me ramène de ma sieste. Ça, je sais faire ça. Ah. Oh là là. Une nouvelle scène. Il fait très bien le bébé aussi. Ah merde. Ah ouais. Ah bah oui, dans le sketch. Vas-y, des catcheurs. Oh bah, c'est vrai. Vincent Cassel. Ah, t'as confondu avec Cassel. Mais j'en ai qu'une par mois. Donc, Bon, il a reçu un god en pleine tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon la victime, une danseuse exotique légèrement vêtue est apparue au bout d'un moment et a exécuté son célèbre tour. Tirer des godes sur les invités avec un pistolet à godes. Comment ça peut mal tourner? On se demande. Le projectile rose volait à une distance impressionnante de 7 mètres à travers la pièce selon la victime et a terminé dans la tête du gars qui avait encore des points de suture le jour du mariage. Et comment il a dû expliquer ça à l'hospice? À sa bonne femme. L'hôpital. On dit pas l'hôpital. L'hospice. Ah ça non, c'est que oui. Les hôpitaux psychiatriques, désolé. Non, l'hospice c'est là où il y a les vieux. Oui, je crois. Ah ouais. Oui, mais comme je l'hôtel, déteste. Tu voulais dire. C'est vrai que tu es les vieux, j'avoue. Je déteste les vieux. Est-ce que vous avez déjà fait, vous, un enterrement de vie de garçon? Jamais de ma vie. Non. Ouais, un enterrement de vie tout court, peut-être? Un enterrement. Ah oui, deux parents. Moi, je me suis souvent demandé si je devais enterrer ma vie de jeune fille, comment je ferais pour pas que ça me déprime à mourir. Ne pas le faire, je pense. Je pense qu'il faut pas le faire. Une petite soirée posée, ouais. Moi, je m'étais dit ça. Je m'étais dit, oh, peut-être un délire, il y a une console de jeu, des pizzas, tu vois. Une soirée assez basique. Tu t'es cru en Amérique? Non, mais c'est vrai que moi, ça me déprime vachement quand je vois ça. Et puis, je me dis, est-ce que j'ai assez d'amis-filles pour faire ça? Et il y a un truc où tu es obligé de t'amuser, qui est toujours un truc qui fout un peu la pression, je trouve. Comme à ton anniversaire. Non, parce que l'anniversaire, t'es pas obligé de t'amuser. Ah, moi, ça me le fait à chaque fois. Ah ouais. Ah, moi, je trouve qu'il y a un truc où c'est ok d'aller parler, de pas aller danser. Il y a quand même un truc où c'est ton anniversaire, quoi. Ouais, mais déjà, faut l'organiser. Oui, bien sûr. Mais notamment de vie de garçon ou de vie de jeune fille, il y a un peu un truc de. Ça va, Adrien? Il se touche les tétons. Je montre à Lucas que moi aussi j'ai une poche avec une fermeture mais éclair là. Attends, est-ce que tu peux me dire si ce que je dis t'intéresse? J'ai décroché, je t'avoue. Et toi, Lucas, t'as vu quoi au cinéma récemment? Non, mais vous avez. Je te regardais même pas, tu vois. J'essayais de tirer ton attention. Et un mariage, vous êtes déjà allé à un mariage ou pas? Oui! Ouais, ça va! Et est-ce que tu aimes bien les mariages, par exemple, Pauline? Mais non, je suis allée à. Si, j'aime. Ok. Ah ouais. J'aime. Je trouve juste que quand on doit un peu s'habiller d'une façon qui nous ressemble pas trop, c'est énervant. Ouais. Mais la dernière fois que je suis allée, j'ai pécho un témoin. Oh. Qui avait une petite cicatrice sur le front. Ouais. Non, mais tout se recoupe. Parce que je lui avais mis un coup de boule. Non, moi je trouve ça très triste d'aller à un mariage et de pas pécho quelqu'un. Genre, mais ça c'est me... ce que j'allais te dire, c'est très stylé. Ah, maintenant je suis en couple alors je le ferai plus jamais. C'est passé, t'es rangé des bagnoles. Mais en l'occurrence, c'est un truc que j'entends souvent, ça, que Oui, sur un petit peu d'eau. Non, il pisse sur la tête. C'est quoi le truc à l'intérieur? C'est du charbon pour filtrer. Ok. Ouais, de pécho à un mariage, c'est très stylé. Parce que pour moi, c'est un peu une légende urbaine de c'est facile de pécho à un mariage et tout. Moi, j'ai pas. Je sais pas. Ouais, moi, jamais. Je ne sais pas. Après, j'avais un peu honte le lendemain quand même. Ah ouais? Ouais, parce que. Bah, c'était Éric Zemmour, le mec. Mais le coiffeur, donc ça va. Ouais. Lucas, t'as déjà fait des mariages? Non, moi, je. Oui, j'ai fait des mariages, oui, mais moi, tu sais, à chaque fois, je. M'assois juste sur une coupe de champagne, puis comme ça je suis bourré plus vite. Tu t'assois et ah je oui. m'endors. C'est tout pas. C'est ça. Ça fait des fissures anales, ça aussi. Hein. Oui, ça. Peut-être. Je suis pas allé jusqu'à vérifier. C'est vrai que j'ai mal quand je m'assois. Bon. Le concours annuel de chasse de North Canterbury a dû annuler une de ses compétitions. À votre avis, quelle compétition? Attends, de chasse, t'as dit? Ouais. Putain, j'ai vu des pubs pour la chasse la dernière fois. Moi aussi, elles sont horribles. C'est horrible parce que c'est vraiment. On pourrait vous dire que c'est pour éviter les accidents de voiture qu'on fait ça. Parce que en fait, sinon, c'est y a des parce sangliers. Que c'est chambé de tuer. En fait, c'est un peu ça. Et en fait, on pourrait vous dire tout ça. Mais la vérité, c'est qu'on peut pas vous expliquer là comme ça dans un spot de 30 secondes. Faut que vous le fassiez. Ah, ça va couper, ça va couper. Quoi couper? Pas mal. Mais c'est vrai qu'ils ont les chasseurs ont changé de discours parce leur fusil ils, avant, d'épaule ouais. Non mais avant ils disaient mais il on fait était ça. 5h du matin. On avançait dans les marées. Encore Delpech. Couvert de brume. Non mais avant ils disaient on fait ça pour réguler et tout machin. Et puis c'est non pour rigoler ils disaient bon, allez. Quoi couper? Vos gueules. Pose ta question de merde. Oh là là. Ah ben, J'ai 43 piges en fait. Vous allez me respecter oui ou merde? Parce que ma vie est pathétique que vous me parlez comme ça. Arrête, hein. Arrête avec wow. ça. C'est pour ça ou pas? Mais arrête. T'es un petit soleil pour moi. Bah wow. Ouais. Tu vois dans les te vises le bébé, c'est toi. Ouais. C'est toi. T'as pas de corps. Mais en très vieux. Et vraiment très très secondaire dans l'histoire. Tu rigoles, il y a pas d'épisode sans lui. Mais il ouvre l'épisode et il le termine. Ouais. T'aurais préféré être l'aspirateur. Ça c'est un bébé, attention, c'est pas un. C'est un bébé lynx. Ok. Ah. Si tu le fais deux fois de suite, c'est un pleurnichement de bébé lynx. C'est vrai. La chasse. Tu voulais dire quoi? Ouais. Non, c'est mais pas c'est ouf fini, la chasse. C'est fini, mais c'est si. Fini. Mais non, ils ont changé de discours. Maintenant ils disent on a tué, voilà. Oui, voilà non, mais c'est parce que Willy Schren, le patron des chasseurs. Après des années où les chasseurs disent non, mais c'est pas qu'on aime tuer, c'est que on fait ça pour réguler, c'est pour rendre service. Lui, il est allé, je crois que c'était à la télé, il a dit mais vous croyez qu'on fait ça pour réguler? Mais on fait ça pour notre plaisir. Et je pense que tout le monde a dit ça, mais mec, ça fait des années qu'on essaye de mais faire c'est croire que. Écoute, c'est marrant ce que tu dis, parce que je trouve que c'est très l'époque, et là j'ai parlé de la société contemporaine. Ouh, c'est là, attention. Non, mais là, vous allez attends, vous faire je vais croquer, me refaire là. Un café. Non, attachez vos ceintures. Oh, l'heure des pros. Non. On bascule, servons un petit peu de cognac. Non, c'est le. Il y a un vrai truc où les gens maintenant, j'ai l'impression, il y a un truc de. Oh, si t'assumes, c'est ok. Les gens préfèrent, oui. Même si tu dis des trucs oui. horribles, ça, comme oui, Bec BD un peu. Mais il y a un truc comme ça de. Bah, au moins, ils disent ce qu'ils pensent. Voilà, au moins, et je suis comme choses. Ça, et alors, vous allez me tuer alors, oui. Ah, bon, mon Dieu, c'est pas sympa. Non, je rigole. Allez, quoi? Quoi couper? Je prends de plus en plus de plaisir à dire quoi couper. Eh oui. Alors. Dis-le, Lucas, si t'as envie. Parce que j'ose pas, je vais mal le dire. Non, mais ouais. Fais-le quand tu le sens. Ok. Quoi? Ok, ouais, non, je te sens pas, tu le sens pas. Ok. Non, ok. Non, si pas, si hein. t'es pas dedans, faut pas se forcer. Non, faut le faire quand tu veux. Ouais. Quoi? Mettez pas la pression. Non, ah, attends. Non, tu le fais. Bah bon, y'a aucune. C'est pas comme si on t'obligeait. Quoi? Ouais, ouais. Tu vous connaissez le groupe Aqua qui chante Barbie? Koubé, Aqua Koubé, quoi Koubé? Oh non! Mais Lucas, t'es un sniper, mon oui. gars. C'est vrai, excuse-moi. Ça me saoule. Ça va, mec? Ça va. Ça t'a fait du bien? Ouais. Mais quoi Koubé d'ailleurs? Donc, ils ont fait quoi, le North Canterbury? Ils ont tiré sur quoi? Non, alors attends. Il y a, donc, déjà, donc, c'est quoi? C'est le. Un concours annuel de chasse. Déjà. Quelle folie! De chiasse! Non! C'est comme c'est le flow de cast? Non! Ouais, de oui, toute façon, la chasse, c'est de la chiasse, c'est ton slogan de. Ouais, ouais! et donc, il y a plusieurs épreuves différentes. Là, il n'y en a qu'une! Mais non! Non, mais il y en a plein, mais là c'est oui, le cas. Bah, voilà, non, mais celle qui a été annulée. J'essaye de. Voilà, il y en a raison. Une qui a été annulée, mais il y a. Sur plein un animal en particulier. Le foot lapin, où il joue avec un lapin. Non, pas le foot lapin! Il poignarde juste un. Le ball trap, mais avec des sangliers. En ce moment, je suis très lancé des trucs lourds en l'air. Ouais, ouais. Il avait un pistolet à sanglier. Ouais, un pistolet à sanglier, je pense. Dans le visage d'une personne, et non, faut le tuer alors, avant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok. Dommage. Donc un. Alors un animal sauvage. Oui. Aïe aïe aïe. Florent, en animaux est pas. Non, je suis nul à chier. Un mammifère ou pas, Florent? C'est un mammifère. Ok. Non non, c'est un animal une sauvage, biche. Mais ça va peut-être vous mettre une. Un oiseau? Non. Un mammifère? Oui. Un cochon? Non. Un lynx? Non. Ah, qui vit dans la forêt? Oui, c'est la forêt. Un tigre? Un chat? Un peignoir. Ah, c'est tir sur chat. Mais attends, non. Eux, ils non. disent que c'est des chats sauvages. Mais. Mais c'est en Angleterre? Ouais. Il y a zéro chat sauvage en Angleterre, les gars. Alors c'est ça qui fait que c'est un peu middle. Ils ont des renards. Chasse à l'éléphant, tout simplement. L'éléphant d'Angleterre, attention. Hein, les gars. L'association a précisé qu'il s'agissait de chats sauvages, mais elle s'est vue ensevelie de mails et d'appels. Puisque en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un chat normal, pas du tout sauvage, qui s'est fait tirer dessus, un chat qui était pucé, etc. Et du coup, là, ils ont dit, bah, pas ouf de faire ça. Bah, moi, je vais vous dire une chose. Oh. Bah, je trouve que les gens qui. Ils sont aussi hypocrites que les ouais. chasseurs. Parce qu'un chat sauvage, ok, pour les tuer. Je savais que un chat domestique, non, là, quand même, là, ça va trop loin. Oui, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Aucun animal. On devrait lui tirer dessus, ok. Okay, non mais quoi, c'est un concours. Ok, coupé. Attends, il y avait une petite coupe. Attendez, faut savoir qu'en plus le concours offrait aux chasseurs âgés de 14 ans, parce que c'était plutôt pour les gosses. Donc bien sûr, bah, c'est cool. Sain, c'est assez sain, je trouve. Un prix en espèces de 250 €, ainsi qu'une chance de remporter un prix de 4 600 $ pour les chasseurs juniors sous la forme d'une moto pour enfants. Oh, donc tout hein. Avec un fusil intégré à l'avant. Mais donnez-moi un fusil. Donc c'est quand même sympa quand même. Bah ouais. C'est top. Chasse toujours, les autorités américaines s'inquiètent de l'arrivée d'un animal canadien qui pourrait abîmer leur culture. À votre avis, de quel animal? Un animal très poli. Il fait, oh désolé, j'ai marché. Non, vous avez pas le. Ok, pardon. Parce qu'ils non, parce que c'est un polis. Cliché sur les Canadiens qui sont très polis. Mais c'est un cliché plutôt qu'un riz. C'est vrai qu'il y a d'autres clichés avant ça. Ouais, quoi. Mais moi j'ai un peu l'humour des States. Moi j'aurais dit, eh, c'est un animal qui chante Céline Dion. Il a de la poutine sur lui. Ouais, ouais. On est connecté. Garou? Ouais. Au Canada. C'est un loup-garou? Un loup. Un peu drôle, c'est pas la peine de faire cette gueule en fait. Tu non, trouves ça drôle? J'ai une toute petite bouche, je le vois pas derrière l'écran. Ouais, je sais pas, parce que ta moustache aurait remonté un peu. Ouais. Alors, elle remonte pas ma moustache. Ouais, ouais. Ah ouais? Okay, ah, calme-toi. Oh, oh non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non. Lucas. J'ai dépassé les bornes. Pardon. Non, mais c'est son anniversaire, alors il peut tout dire. Non. Non, mais c'est bon. Je suis bien de te rebeller comme ça. Il a pas dit méchamment. Ah ouais? Tu te rends compte? Ah bah excuse-moi. Ok, excuse acceptée, mon pote. Ah, il recommence là. Non, non, c'est pas du tout. Je comprends rien, ça, je comprends susceptible. Ou quoi? Bon. Non, il l'a perdu, il l'a perdu. un animal canadien. Quoi, le caribou, le caribou. Dit quoi? Pas le caribou. Pas un animal typiquement canadien. Mais moi j'ai oublié la question. Ouais, moi, j'ai pas un lynx. J'ai joué carte sur table. Il y a un animal question. Canadien qui a. Heureusement que je suis là, putain de merde. Aussi bien pour faire marrer que pour remettre sur les rails. Un animal canadien qui a investi le territoire nord-américain, états-unien, ouais, voilà. Et ils se disent, oulala, attention là. Attention de quoi, pour les récoltes? Entre autres, ouais. Mais même, c'est un animal qui est un peu sauvage et qui attaque par exemple des dindons ou des un poules. Raccoon. Pas un raccoon. Ah, ils sont trop mignons. C'est pas. Une des plus grandes peurs de ma vie. Ça éventre les chats avec leurs griffes. J'étais à Los Angeles. Tout simplement. Et j'ai sorti les poubelles et je les ai jetées. Et quand j'ai ouvert le truc, il y a vraiment un raton laveur qui a. Et vraiment, j'ai. T'as dit, mec. T'as du crack. Je crois que c'était un raton laveur, mais c'est pas. Et non, j'ai vraiment eu la peur de ma life. Et bah, t'as fait quoi? T'as refermé la poubelle? J'ai fait un travail sur moi. Parce qu'ils disposent de la rage souvent, les ratons laveurs. Ah ouais? Oui, oui. Ah oui, sympa. Ouais, ouais. Ils éventrent les chats aussi avec leurs griffes. Mais pour le délire. Trop mignon. Bah, ils se battent avec des chats pour faire des cordes de piano. Ils en font des chapeaux, je crois. Des chapeaux? C'est pour ça. C'est pour ça, mon pote. J'imagine un peu avec un petit chapeau. J'ai failli mettre un chapeau sur la peinture et je me suis dit à un moment j'ai vieilli, j'arrête. Bon, oh, tu t'es arrêté. Perds pas ton âme d'enfant, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère tellement. Je suis un peu plus serpent. C'est un animal à peu près de la taille d'un chien, un petit de Francky, genre. Beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. Ah, plus petit. Beaucoup plus petit. Non, pas beaucoup plus petit. La taille d'un berger allemand. Non. Plus grand? Ouais, un peu plus gros, je pense. Un peu plus gros qu'un. En fait, c'est vraiment un gros animal. C'est-à-dire que c'est pas forcément un grand animal, mais c'est un gros animal. Un sanglier, par exemple. On s'approche. Un cochon sauvage. Alors, pas n'importe quel cochon. Un razorback. Mais c'est la bonne réponse, c'est un cochon. Razorlight. Mais il le s'agit groupe. D'une espèce particulière. Le cochon noir. Du super porc. Oh. C'est Spider cochon en fait. Mais non, arrête. C'est des cochons bêtises. Avec des capes. Non, mais imaginez l'image du truc. Non, mais ça me fait rire. Dingo. En tant que gros fondu de comics, de texte. De culture geek. Ouais. Mmh. Ouais. Sa kryptonite, c'est de ne pas se faire gratouiller le ventre. Oh non. Imagine, c'est ça, n'empêche. Oh, ok. Alors pour le super port, on s'est endormi tout d'un coup. Apaisé. Le super port, il est intelligent, résistant, furtif, et il serait en train d'envahir les États-Unis. Il s'agit d'un super port. Je l'imagine hyper musclé. Oui. Ah mais il l'est. Avec une tablette de chocolat. Moi, alors juste non, gros plus... avec une cape. Trop mignon. C'est une nouvelle espèce qui inquiète les agriculteurs du nord des États-Unis. Les éleveurs auraient alors été persuadés que ces bêtes, si jamais elles s'enfuyaient, ne survivraient pas dans le grand froid canadien. Parce qu'à la base, elles étaient de beaucoup, elles se baladaient, tu vois. Et sur en fait, le problème, c'est que les super porcs ont une énorme ténacité, protégés de l'hiver glacial par leur épaisse couche de graisse, et capables de creuser des tunnels sous la neige pour s'abriter. Ouais, ils sont vraiment super. Là, je vous ai pas dit que c'était des mini porcs ou des porcs normaux. Non, des rigolos porcs même. Non, pas du tout. Tout l'inverse. C'est pas des banales porcs. Hein. Ah non. Non. Daniel Balanport. Ces bêtes massives seraient capables de détruire les récoltes, mais pourraient également s'en prendre à d'autres animaux, je vous l'ai dit, comme des dindons ou des faons. Il se dit qu'ils pourraient également polluer l'eau. Et avec leur merde. Bah, entre autres, et potentiellement répandre des maladies comme la grippe porcine qui peut contaminer l'homme. Bon, attention, ils cherchent des prétextes pour les buter, quoi. Si vous. Covid-28, là, on réécoutera l'épisode et Flaubert, il l'a dit peut-être, que les porcs, ils détruisent le monde. Attends, ils détruisent déjà la France et c'est le super port du gouvernement. Ouais. Lucas. Merci. Enfin, Lucas. Tout ce qu'on pensait. Oh, tu bipes ça parce non, que non, j'avais des problèmes. Et si on bipe pas? Non, je bipe pas moi. On sort des casseroles et tout. Les super ports, c'est la Bravem. Ouais. Et les frais de port, c'est cher. Ouais. Souvent. <ouais. rire> C'est vrai que c'est un peu abusé parfois. C'était aux États-Unis des fois, c'était 100 balles. Puis les frais de douane qui s'ajoutent. Et moi, des fois, tu payes sur net, ils viennent, tu repayes un coup. Je dis, bah attends, j'ai déjà payé, qu'est-ce qu'on est où là? Doucement quand même, là. Non, mais on c'est pas des vaches à lait. Et limite, non, c'est plus cher que. Que l'objet que t'achètes. Mais c'est dingue. Je paye 1500 pour un tacrayon. Non, mais t'imagines, non, mais là, c'est trop. Parce que tu dessines, tu connais. Non, t'as voulu t'insérer dans le truc, mais t'as fait trop. T'as juste menti en fait. C'est parce qu'il dessine. Et Adrien et moi aussi on dessine. Ah, moi c'est vrai. Toi, là, on est tous trois. T'as pas de taille crayon ici? Non, j'ai pas de taille crayon. Tu tailles avec. Je vous montre ma trousse après, elle est top. Ah ouais, j'ai ma trousse. Moi j'ai vraiment une énorme trousse dans mon sac. Ouais, mais elle est vraiment super. Ah ouais? Sans rien. Sans rien. Quel HB? HB ton crayon? Non. Bon, Ryan Brook de l'université de Saskatchewan au Canada se dit très défaitiste sur la situation. Ils se sont tellement répandus qu'il n'y a plus d'espoir de les éradiquer. Ils ont emménagé et ils sont là pour y rester. Ils ont emménagé. Le gouvernement canadien s'attelle désormais à maîtriser les dégâts en protégeant les propriétés et les États-Unis s'y préparent. Mais alors d'où viennent ces super porcs? Bah, du Canada, tu l'as dit. Mais oui, mais non, mais à de la base, la super ferme. Ils sont pas nés comme ça. C'est encore quoi? C'est l'homme qui se prend pour Dieu. Les élevages, c'est à partir des années 80, la planète des singes. Des éleveurs auraient, quand j'imagine la fin de la planète des singes avec des super porcs. Planète des porcs, ça serait trop marrant comme titre. Ah ouais. Titre. Ouais. Ouais. T'allais dire. T'allais dénoncer. Oui, mais entre temps, j'ai vu qu'il y avait un petit truc à gratter sur la table, donc ça m'a distrait. Donc à partir des années 80, des éleveurs auraient, quant à eux, croisé des cochons domestiques avec des sangliers. Ce qui aurait donné naissance à ces bêtes énormes, pesant jusqu'à 300 kilos, soit plus du double d'un cochon domestique. Je t'ai dit quoi? Non, mais ils sont super. Ils sont des super porcs. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais la vache, imagine, ils l'auraient croisé avec un gorille. Non, bah ce serait des super gueule gorilles. Du truc. T'imagines? Imagine, ils grimpent aux arbres, ils font bah quoi? Un gorille avec un gros jambon là. Bah quoi? Tu vas falloir te lever de bonne heure pour me couper une tranche de jambon dans ma cuisse, mon pote. Je t'assomme avec mes bras. Donc. Parce qu'il parle aussi. Ouais. Il envoie des tonneaux. Ils sont croisés avec des humains aussi. Des gorilles porcs. Ouais, des gorilles porcs humains. Dans l'Ain, plus précisément à Monienin, les habitants ont une particularité, à votre avis. Minority gorille porte. J'ai pas écouté la question. Personne, je pense. Dans l'Ain, il y a des habitants, ils ont une particularité, laquelle? Est-ce que c'est le gentilé, le nom? C'est lié au gentilé. Et redis le nom de la ville. Qu'est-ce que le gentilé? Le gentilé, c'est par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, genre parisien, c'est le gentilé de Paris. Voilà, c'est ça. C'est le nom des habitants. C'est ça. D'ailleurs, ah oui, mais non, c'est faux. J'allais dire un truc, mais c'est faux. Ah bon? Je retire. Non, le truc. À cette heure-ci, une fake news. Non, mais je retire. Alors, c'est à Monienin. Monienin? Ouais, mais c'est pas lié au nom de la ville. J'ai l'impression que le gentilé n'a rien à voir avec le. C'est autour du gentilé. C'est qu'il y a une insulte dedans? Non. C'est le par rapport à une célébrité? Non. Il s'appelle les Léna Situation. Non. Et les prends Léna. Ça dans ta gueule, Bec BD. BD. Non. Donc c'est le nom des habitants de l'Ain? Ouais. Non, non de, pas de Monier-Nain, qui est donc là. Monier-Nain? Ouais. Il s'appelle les Monier 2. Oh non. Je rigole, bien sûr. Les Monier Gasque. Promets, ouais. Non mais, hey. Je suis à fleur de peau. Adrien, quoi coubé, on n'en parle plus. J'ai 43 ans, je suis vieux. En détresse. Alors, je vais vous dire la réponse. Non, ou quoi bien sûr bah que non. Alors, non. C'est une rêve de pop culture. Non. Mais c'est un truc un peu grossier. Non. Ils en ont. Ça pose un problème. Il y a un problème, mais c'est pas à cause du nom. Il est imprononçable. Non, c'est autre chose. Il n'existe pas. Ah. Il y a une très bonne réponse de Pyjama Pauline de Tonquédec. Quoi? J'ai plus ton famille, j'ai dit de Tonquédec. Moi non plus, il est hyper long. Je sais qu'il y a deux R dedans, mais. Ils ont pas de nom. Une situation peu banale que la mairie souhaite rectifier en lançant une consultation auprès de ses habitants. Il faut savoir que depuis le début, Monier-Nain n'a jamais eu de nom pour les habitants. Alors ils vont lancer un. Ils sont tarés ces mecs. Bah non, mais ils ont. Ils pourraient s'appeler les Ragnagna. Non, mais alors sache que le village d'à côté, pour se moquer d'eux, les appelait le Moignon. Autre son. Oh, oh, c'est autre mignon. Alors, les mignons, c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Oh, je sais pas du tout quoi. Non, c'est banana, banana. Ouais, okay. Oh, pardon, j'ai fait un Larsen, non? Non, t'as Larsen. Attends. Ah, ok, c'est bon. Larsen, c'est mon nom de DJ. Hein. Larsen Lupin. Ouais, ouais, bah c'est oui, moi. Larsen. Oh, Larsen Lupin, bon nom pour un DJ. Pas mal, ouais. Ouais, pas mal. Mais sois pas deg de pas l'avoir trouvé. Alors ça va donner une idée de jeu dans le jeu, Adrien. Ah, pendant tu que tu checkes le mail, tu tweets. Je regarde pas, je cherche un. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est juste c'est quoi, que Koubé, c'est pas très marrant en fait. C'est juste que juste il y a une ville dans les Hauts-de-France, dans la Somme, qui le nom de la ville c'est Y, juste un Y. Ouais. C'est l'enfant de Grimes et l'autre là. Et Elon Musk. Et Spaceman. Ouais. Mais en vrai, parce que je pensais que le gentilé était marrant, mais pas du tout. Enfin, alors si, le gentilé stylé, c'est les Ipsoliniens. Oh, on dirait un peu des extraterrestres. On dirait un truc un peu du futur. Star Trek. Mais le nom de la ville, Y. Justement, regarde, j'ai un jeu à te proposer, Adrien. Un jeu dans le jeu. Je sais que t'adores les jeux. Je peux parler ou. Enfin, le mec. Non, mais parce que. Ah, c'est incroyable. Il se faisait chier, il était là. Justement, attends. Justement, arrête ta blague. Mais arrête non, c'est pas ça. Je rigole. Je joue un personnage là. Putain, oui, mais de fois, c'est pas clair. Je suis au sommet du personnage. T'es Michel Sardou, on sait plus si c'est un personnage. Ça va donner une idée de jeu dans le jeu. Je vais vous donner des noms de villes et vous devez trouver le nom des habitants, sachant que c'est un nom un petit peu marrant. Bien sûr, et ouais. Je sais qu'il va y avoir le truc fake news que j'ai pas voulu dire tout à l'heure dedans. Ah bon? Vas-y. Vas-y, Bourg-la-Reine? Non, c'est pas ça. Okay. Alors Bourg-la-Reine, il s'appelle. Les Bourrés? Non. Les. Je savais ça. Attends, Bourg-la-Reine, les Bourreurs? Non. C'est plutôt basé sur Rennes ou sur Bourg? Ou non. Les deux? Je vais vous le donner parce que c'est pas le plus marrant, okay. Il est dur, c'est les Réginaburgiens. Ah, bien c'est une sûr. Pizza ah ouais, ou quoi non, c'est pas. Ça. Mais oui. Je pense en Italia. Plus. Italia. Oh la vache. Malakoff. Et là, ça devient un peu plus agréable. Les Coffy. Non. Les John Coffy de l'univers. Les maladroits. Les. Non. Les Malocuff. Non. Jean-Pierre Coff. Je sais pas moi. Non, alors il y a Malakoff devant et c'est la fin. Maladie. Non. Les malades. Mais non, il t'a dit qu'il y avait Malakoff. Il y a Malakoff dedans. Ah, il y a Malakoff. Ouais. Les Malakoff-reforts. Non. Les Malakoff. Mais il y a un truc, il y a un mot à la fin. Malakoff-faire. Malakoffman. Et Woman. Non. Je suis Malakoffman. C'est moi passé. Est-ce je que suis c'est Malakoff. Un, je suis Malakoff-man. C'est un nom valise un peu avec coff. Il y a un jeu de mots avec coff. Non, il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste que la sonorité est, même, disons-le, problématique. Oula. Ouais. Malakoff s'appelle les Mein Kampf. Exactement. Ce qui est un peu compliqué. Non, il s'appelle les Malakoffiotes. Ah oui, d'accord. Les Malakoffiotes. C'est marrant. Béziers. Les baiseurs. Non. Ouais. Les gros baiseurs. Non. Les Bourg-la-Reine. Non, non, c'est. Attends, c'est un truc genre. Baiserite. Non. Il n'y a pas baiser dedans. C'est un truc marrant. Ah, c'est, là, pour le coup, c'est vraiment marrant. Belzébuth. Non. Putain, je le savais. Oui, oui, je suis Belzébuth. Les. Baise. Non, y'a pas baise, y'a pas baise. Ah. Non, mais attends, c'est les. Ça s'appelle les knickers. Non. Je dis pas. Les sneakers. Les non. Les doigteurs. Y'a un B et un Z, non? Non, mais y'a un B. Y'a un B. Ça commence par un B. Ça commence par un B. Et c'est les. Y'a un U. Non. Y a un est-ce que I. ça commence y a par un Kwaku B ou. Non. Un B normal. Bézier, les bifurqueurs. Ah, non, mais c'est bi quelque chose. Les bicentenaires. Un truc marrant. les bistous sexuels. Non. Les B2B. Il y a bit dedans. Oh, les biturins. Non. Ah mais oui, c'est ça, putain, mais ça non, attends, bah, c'est... Non, il vient de dire non. Mais il y a un truc comme ça. Les biteurs. Non mais en plus, les Beatles, le groupe là. Non. Les bites, bites rouges, les biterrois. Biterrois, ah, putain. Ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Les pauvres, et moi je déménage direct. Imagine la si là-bas l'habitait. Eh, hey, les biterrois, ils devraient aller à Bourg-la-Reine. Eh, j'allais le dire. Eh, on est connectés. Ils niquent ensemble. Bah ouais, dans Interville. J'ai déchiré le câble. Ils font un Interville ensemble et voilà. La la la. Ok, souvenez de Robert Wurtz, c'était l'arbitre qui hurlait. C'est une saucisse. Ok, t'as pas la machette. Attention. Léon Zitrone. Bon, moi je suis extrêmement vieux après. Nagui. Hein. Nagui. Léon Zitrone, c'était Interville à l'époque de Guy Lux quoi. Mais je sais. Il m'a cassé mes lunettes. Ah, oh, m'a cassé mes lunettes. Nagui Lux. Mon vélo. Il y avait Bourville aussi qui était Inter-Bourville. Allez. Oh, c'est bien ce jeu. Et au lieu de la machette, c'est Bourville qui part. Il fait oh, l'accordéon. Ah, la machette. Ma machette, mon vélo. D'abord, ma machette. Beaucoup. Quoi, quoi, Koubé? Bon, allez, je me hais, mais en même temps, je m'aime un peu bien. C'est ma vie. Pour résumer, ouais. Ce que j'ai dit au psy hier. Tu avec peux raconter, la tu l'as dit en story, mais tu peux raconter. Alors, je me demandais si je pouvais. Mais oui, mais raconte là. Vous l'avez. Bah non, toi, t'as pas vu du. Si, t'as. Si, si, si moi, j'ai vu. Allez, raconte, vas-y. En gros, j'étais chez le psy hier. Déjà, t'étais fou, dire, quoi. La honte. Je suis fou. Moi aussi, j'y étais hier. Parce que je suis timbré. Moi, j'ai pas besoin parce que juste, je suis bien dans ma vie. T'es normal, en fait, toi. Je suis normal. Voilà. Ça, c'est parce que tu lis Marc Lévis. Je suis coucou. Quoi, coucou, belle. Et donc. C'est dans le 7e arrondissement vers Solferino, donc c'est très luxueux, enfin c'est un quartier très huppé et tout. Et je rentre dans le cabinet du psy, donc c'est très luxueux, déco très bourgeoise et tout. Et je me dis tiens, il y a de la musique, il y a un fond sonore, il y a un fond musical quoi. Je me dis bah pourquoi pas, c'est pas ma boule de mettre de la musique et tout. Et donc je parle avec le psy, blablabla, il me dit waouh, vous êtes ma boule. à un moment je reconnais la musique. Je reconnais notamment le un bruit de loup comme ça et je fais mais c'est DMX. C'est la Don Dada mixtape. Ah oui, non, pardon. D'Alpha One. Et je fais attends, le psy il, dans son cabinet, il passe la Don, il écoute du rap français quoi. Ou des cris de loup, ce qui est inquiétant. Ouais, parce que c'est le gimmick du beatmaker, c'est le un sample. Cri de loup comme ça. Bon, voilà. Excuse. Ça a un vrai nom mais j'ai oublié parce que je suis pas sûr. T'écris pour Rap Jeu en fait. Bon, c'est fini Rap Jeu mon pauvre. Ah, oui, bon. Puis ils nous l'ont bien annoncé pour dire désolé, c'est fini. Non, pardon. On l'a appris par un moyen détourné. Alors et donc, bon voilà. Sujet sensible. Un pont de brûlé de plus dans ma carrière. Malheureusement, c'est fini. Ah là là, les portes qui se referment comme ça. Non, je finis mon anecdote. Et donc, je me dis. Et donc, après, la musique continue et c'est plus la Dandada mixtape, mais c'est du rap français quoi. Et je me dis, bon, ok, le mec est. Ça colle pas du tout avec bon le personnage, goût. Mais bon, pourquoi pas, ouais. Le mec est un petit peu open quoi. Et donc, je lui parle, la séance se termine, je paye, je sors. Et une fois dehors. J'entends toujours la musique. Oh non. Et en fait, c'était mon téléphone dans ma poche qui jouait de la musique au haut-parleur. Et du coup, il a dû se dire mais c'est quoi ce gars qui se dit attends, il est psy, il aurait pu te dire. Je vais me mettre dans une safe space, je vais me mettre un petit peu de musique quand même pour me mettre bien chez le psy. Quoi. Du rap français. Voilà. Incroyable. Mais tu vas en parler à la prochaine, tu penses, la dernière fois, il y avait de la musique. Je vais pas l'évoquer. Déjà, il y a, parce que je l'ai raconté sur Insta, il y a plein de gens qui m'ont dit oh là là, mais tu vas plus jamais y retourner. Bien sûr que si. Bon, de toute façon, c'est que je des moments. Je suis un survivor, cringe, moi. Il a vu pire, ça va. Bah oui. Non, mais oui, bien sûr. Ouais. J'étais à poil aussi intégralement. Ah, mais ça, tu l'as pas dit sur Insta, ça. Non. Bah, je gardais pour le podcast. Ah, c'est gentil. Tu t'exclus. Et alors, les habitants de Puteaux, ils s'appellent. Les Putois. Les Putéoliens. Ah non, c'est. Oh, très bonne réponse. Ouais. Bah, ils viennent de Puteaux aussi. Les Putéoliens et les Putéoliennes de Puteaux. Ah ouais. Pas mal. Les Putéoliennes, c'est trop drôle. Non, mais j'en connais. Ok. Et tu es. Je suis Putéolienne. Je suis Putéolienne depuis le début. Bien avant que ce soit la mode. Et ils ne m'abattront pas comme ça. À Saint-Cloud. Les Clodo. Les Nivis. Bah oui. Les Clodoaldiens. Non. Tout simplement. Oh, wow. Si. Et à Bonny-sur-Loire. Et c'est mon préféré. Bonny sur Loire. Les Bonifacio. Les Bonibar. Les bonichons. Non. Les bonichons. Mais c'est des mecs chelous qui ont décidé ça. Enfin, non, ils sont fous. Je pense que nichons, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Ouais, pour leur défense. À l'époque, c'était vraiment. Les meufs ont toujours eu des nichons. Hein. Tu regarderas la préhistoire. Le mot nichon, je dis le mot nichon. La mauvaise foi. Vous venez d'où? Vous venez de quelle ville? Avignon. Ah oui, c'est vrai. Avignon. Ça te manque des fois, Avignon? Bah, j'y vais souvent. T'y vas souvent. Puis après, je vois, il y a genre trois types dans la rue qui font Aaah! Et je repars. Ah oui, il y a finalement beaucoup de marginaux à Avignon. Ah, et j'en ai fait partie, hein. J'en ai fait partie. À Dijon, beaucoup de punk à chiens. Tu es venu y tourner quelques scènes. C'est vrai, c'est vrai. Énormément de punk à chiens. Voilà. Ouais, mais globalement, dans toutes les villes françaises, dès que tu arrives devant la gare et que tu restes un peu trop longtemps, il y a des mecs qui arrivent qui font des bolasses et qu'il y en a un qui meurt. D'ailleurs, les punk à chiens, il y a un peu le même phénomène que les gens qui disent les mecs du métal, c'est des gros nounours. Tout le monde dit les punk à chiens, ça se voit, ils adorent leurs chiens, ils les traitent super bien. A priori, non. J'en ai vu beaucoup frapper leur chien. Je pense que pas du tout. Et frapper mon chien aussi. Quoi? Que j'amène plus au flot de casse parce que vous faites croire qu'il pue la pisse. Non, mais attends, c'est vrai, y a un mec qui a frappé ton chien? Non, il y a déjà des enfants qui ont. Calme-toi, Adrien. Ah, parce que moi, il y a les couteaux entre les dents. Moi, je peux le poignarder. Regardez le super porte. Attention. Non, il y a des enfants souvent qui veulent mettre des coups de pied à mon chien. C'est normal. Comme je suis gênée, je fais genre. Et après, je suis là, je vais te tuer. Tu le fais aussi, du coup. Ah ouais, moi je. Pour être dans la masse, quoi. Mais du coup, je sais plus. Moi, j'adore les enfants qui demandent s'ils peuvent caresser. Ouais. Ça, c'est vraiment. Je dis, toi, tu seras. J'allais dire président, mais non, je te souhaite bien mieux que ça. Allez là, oh là, ta gueule, Macron. Il va pas avoir froid. J'adore. Parce qu'il j'adore. Va être habillé, voilà. Pas Adrien. J'avais même pas vu qu'il y avait une main blanche juste là, quoi. Ouais. Voilà, et donc Lucas, tu viens d'où? De Strasbourg. Et est-ce que... Ah merde. Ouais. Putain, c'est mon pur pote et je savais même pas, quoi. C'est faux. Oh non, le prank, il nous a. Quoi coup prank. Non, je viens du Mans, moi. Ah oui, voilà. Oui. Plus ça. Ah oui, voilà. T'es parti 24 heures ou quoi? T'es parti? Je suis parti à pied, en mais, courant. Mais parce que, alors j'ai une question sur. Parce que toi, Avignon, toi, le Mans. T'aimes les rillettes ou quoi? Non, arrête, les 24 heures. Et tu dis rarement la vérité au Mans. Arrêtez. Non. Gros mytho. Hey, le truc, c'est que vous êtes parti de votre ville d'origine? Bah, il fallait visiblement, bien oui. Pour réussir. Et donc, est-ce que vous avez envie des fois d'y revenir? Quel est votre rapport? Parce que ah, moi, tu veux dire qu'elle vient du sud et par tous les chemins elle y revient? Elle y revient ouais. Peut-être à j'ai chemin de dans le cœur. Je connais pas les paroles. Non, mais j'ai parce rien. Que moi j'avais ça avec ma ville. Je voulais vite partir quand j'étais adolescent et maintenant j'ai un plaisir à y retourner. Est-ce bien que vous avez c'est ce où toi déjà? Moi c'est Autun en Bourgogne. Moi c'est vraiment une toute petite ville. Ça te ressemble? Oh, elle m'a bien mouché. Mon nez n'a plus la moindre morve. T'avais envie de partir d'Avignon quand t'étais plus jeune? Oui, parce que vraiment il y a pas grand chose à y faire. Et quand t'es jeune, à part prendre un maximum de drogue. Bien sûr, ce que c'est j'ai déjà fait. Pas mal. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais j'ai envie d'accomplir des choses. Je comprends. Et là, t'as mis un réveil. Depuis que je me suis réveillée, j'ai traversé la rue, j'ai trouvé un job. Voilà, c'est ça. D'artiste. Et dès que je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré plein de gens et j'ai fait plein de choses. Et sauf que maintenant, c'est vrai que je me rends compte que ça me stresse beaucoup d'être ici. Ouais. Et je veux souvent retourner à Avignon et je me fais chier, donc je reviens à Paris, donc je repars. Mais là, je vais tester Marseille la semaine prochaine, comme tout le monde. C'est Marseille bébé. Je pars une semaine seule, j'ai jamais fait ça. Ah, trop bien. Ah, t'as jamais fait ça? Je viens, seule, je viens. Non, c'est pas non, mais il y a des gens déjà qui. Merci. Et pourquoi Marseille? Parce qu'il y a la mer déjà. D'accord. Et que. C'est une grande ville avec la mer, moi je trouve ça fou. Il y a la mer et il y a plein de gens un peu comme moi. Et comme nous trois en fait qui dessinent et qui ont des. Ça coûte un peu moins cher que Paris et il fait beau. Il y a des rougies éplées. Et il y a le pastis. Ah, pastaga. Aussi, malheureusement, apparemment. Pas mal de fusillades, apparemment. Malheureusement. Ouais, mais bon, ça équilibre. La petite ombre au tableau, apparemment. Ouais, moi, tant qu'il n'y a pas les super ports, j'irai à Marseille. Ouais, ça va. Il y a un super port à Marseille. Mais Pagnon coupé. Non mais voilà, il fait trop cool. Moi j'adore partir en vacances tout seul. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est un vrai plaisir. Et j'ai la chance d'avoir une meuf qui le comprend parce que des fois il y a des couples où ils peuvent être vexés. Moi je vais aller. Alors, du coup pas en même temps, rassure-toi. Mais ma prochaine destination, je pense que c'est Marseille tout seul aussi. Bah j'ai un super Airbnb si tu veux. Je te laisserai l'adresse. Je te laisserai des gâteaux. Moi je veux bien te donner des gâteaux, pas comme Florent. Il veut pas que tu manges ses gâteaux. Ouais, c'est vrai. Attention. Lucas, toi, le Mans, c'est une ville. Parce que tu y étais encore très récemment, toi, au Mans. Ouais. Mais non, moi, ça allait, écoute, franchement. Le gentilé du Mans? Les Manceaux. Ah, Mansell. Mansell. Ok. Voilà. Et vous êtes Alma Science là un petit peu quand mais même. C'est, non pas trop, c'est pas trop déprimant comme ville parce que moi, une fois je suis arrivée, je me suis dit, je pense que je me tue. C'est déprimant. C'est, ça peut être déprimant pour certaines personnes, mais moi, c'est. Non, c'est vraiment, c'est une ville que bah, t'aimes. Lui, plein c'est de vraiment couleurs. Sa tête en fait. Ouais. Et puis mes parents, ils habitent pas loin, mais plus dans la campagne, ça, donc ça c'est vraiment cool quoi. Et toi, ouais. t'étais, coup, t'étais, ça, t'étais dans le Mans, t'étais dans le centre de Le Mans. Non, j'étais dans la campagne à côté plus. Ah d'accord. Mais j'ai fait toutes mes études, tout ça là-bas au Mans quoi. T'as fait les études de quoi? Ouais. Études de quoi? J'ai fait Beaux-Arts. Oh, ah, tu l'artiste. Et je peux te demander si t'as un rapport avec un Thierry Pastor ou pas? Thierry Pastor, oui. Ah, peut-être. Moi, mais tu m'avais en fait, dit que ma famille ne sait pas, mais peut-être, ouais. Que oui, c'est bon, un... donc, non, j'hésite quoi. Parce que parfois, quand je pose des questions sur les familles, après, j'apprends que tout le monde est mort, en fait. Ah oui, c'est vrai. En live pendant le mais Thierry Pastor, il est mort? Non, il est juste hyper talentueux. Non, c'est juste que. Alors pourquoi il vient pas de famille? Oui, c'est juste que le premier podcast qu'on a fait avec Pauline. Je connaissais pas. Elle va pour raconter une anecdote, elle fait: ça va, tout le monde a ses parents autour de la table. Et je fais: oui, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Le coup dans l'eau. Tout va bien, tout va bien. Le coup dans l'eau. Mais ouais, non, mais Thierry Pastor, mais tu t'as pas envie de savoir, putain. Bah, bon, là, attendez, moi je lance un appel au podcast. Parce qu'on a des fois, il y a des auditeurs, on est surpris. Si vous connaissez de près ou de loin Thierry Pastor, la chance de, déjà. Déjà, bah quel coup de folie. Ouais. T'as rien compris là. T'as rien compris. Ouais, pour moi. Mais t'as un truc à faire derrière, Pauline? Oui, mais je vais mentir. On a bientôt fini. Je vais dire l'invité est arrivé en retard. Alors que c'était toi l'invité en retard, en plus, ça qui est fou. Non, mais vous on l'a excusé parce qu'il est de la famille de Thierry Pastor. Ouais, exactement. Donc, si vous connaissez Thierry Pastor, demandez s'il connaît un Lucas Pastor du Mans. T'as pas mal de familles du Mans? Ouais, tes parents y sont, mais les grands-parents aussi sont là-bas, ok. Jeanne Clément. Moi j'avais Alexandre Dumont, moi. Oh, pas mal ça. Pas mal. Chers amis. Quoi? Bah, on arrive tout doucement à la fin du Floodcast. Non, mais pardon, je vous ai pressé maintenant. Non, mais ça fait déjà une heure et demie qu'on parle. Hein. Vous plaisantez ou quoi? Non, par contre, on a les recommandations culturelles. Et ça, c'est quelque chose auquel nous n'échapperons pas. Je préfère vous le dire comme je le pense. Mais on ne va pas commencer par moi. Alors, on va commencer par Lucas. Si, on va commencer par moi. Alors, on va commencer par Adrien Meignet. Et monsieur le chef. Je me suis rappelé. Il y a un jeu qui s'appelle Storyteller. Qui, je crois que j'en avais peut-être parlé il y a longtemps parce que j'avais joué à la démo du jeu. Le principe du jeu, donc chaque niveau, c'est comme une petite BD avec il y a des cases de BD qui sont vides. Et à notre disposition, on a on a plusieurs éléments qu'on peut mettre dans les cases. Donc il y a des personnages, il y a des contextes, des objets aussi, je crois, etc. Et en fait, il y a le titre de l'histoire. Oh. Par exemple, deux personnes ont le cœur brisé. Et du coup, ou alors, quelqu'un meurt et quelqu'un tombe amoureux, etc. Ouais. Et en gros, il faut placer les éléments dans les cases pour que ça raconte l'histoire qui est demandée. Et c'est trop bien. C'est intellectuel, un peu. Oui, mais pas. Ça pousse à la création. La difficulté est assez, c'est assez simple, c'est bien dosé. Et donc, par exemple, dans les contextes, il y a par exemple une église pour se marier, mais il y a aussi un cimetière. Et donc tu dis: ah bah attends, je vais mettre ces deux personnages-là à l'église, donc ils sont amoureux, mais après je vais mettre ce personnage-là dans le cimetière, donc ça veut dire qu'il est mort. C'est donc, ça veut dire que l'autre, il a le cœur brisé, je le mets là, et après blablabla. Et tu places tes éléments, et après tu racontes l'histoire, et bah, si t'as réussi, ça te valide le truc, et tu passes à l'histoire suivante. C'est un petit jeu, c'est tout doux, adorable. Je vois le visuel, il doit être très beau. Et c'est en plus très beau, et je suis sûr que ça te plairait. Mais c'est en anglais, peut-être? C'est en français, je crois. Ah aussi, trop bien. Oui, il me semble, je vais vérifier pendant que. Ce serait top. Pendant que quelqu'un d'autre. Je vais goûter un Pimps. Framboise. Je t'en conjure. Même si je suis sûr qu'ils sont moins bons que. Moi, je préfère les oranges. Moi aussi, je préfère les oranges. Moi, je préfère les oranges. Et je me suis fait insulter, dis-toi. Alors, ça, c'est ces trucs qui m'énervent. Je comprends. Non, mais les trucs de. Alors, ça, c'est péché pour moi. Tu mets le lait avant les céréales, je te largue. Oui, mais ça, c'est les gens qui veulent faire leur intéressant. C'est ça, j'ai reçu plein de messages qui mangeaient des Pimps à l'orange. Qui est quand même le Pimps de base. Ouais, à la base, il a l'orange. Fais pas le puriste non plus. Mais pour comprendre. Fais pas le puriste. Non, mais je veux dire, je comprends. À la base, chocolat et orange, c'est dégueulasse. Mais c'est juste dans les Pimps. Mais c'est dingue de dire mais ça. Mais tu aimes le chocolat à la menthe. Argumenter sur les goûts. Pauline de Villiers. Je trouve que c'est la pire merde qu'on puisse faire. Oui, les gens ont des goûts différents. À quoi bon discuter? C'est strictement le même goût. À quoi bon? Ça ressemble beaucoup au truc. À quoi bon? Bah, c'est pas très bon, framboise. Moi, j'aime pas toi, trop. Toi, tu aimes. Moi, tu aimes pas. Et alors, fin. Est-ce qu'on peut quand même vivre dans le même monde? Je vais te convaincre que c'est pas bon. Bah, évidemment que non. Bah, sûr que non, c'est des goûts. Ah, non, là, mais t'as raison, d'accord, et on dirait que vous êtes. Ouais, mais il me saoule là, il a raison. Bon. Alors à toi, Lucas. Et la culture dans tout ça. Je vais vous conseiller un accent déjà, visiblement. Jeu, un accent. Je vous conseille l'accent du sud. C'est ma petite. J'ai découvert ça là il y a pas très longtemps. Non, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Asbestas, un film que j'ai bien. Vu récemment, mais qui est sorti, je crois, il y a longtemps. Qui est sur Canal, je crois, en ce moment, MyCanal. Ouais. Est-ce que tu veux raconter l'histoire d'Asbestas? Sans spoiler, ah, trop bien ouais, sûr. Parce que j'aime pas trop parler des. Ouais, okay. Oui, non, mais pour donner envie aux gens, enfin, pour juste dire que les gens savent à quoi s'attendre. C'est un couple de Français hein. qui achète des terres en Espagne. Et ça, et ça, mais j'aime pas dire les histoires des. Et en fait, il y a une tension avec les gens, les voisinages. Voilà, c'est ça, c'est l'histoire de tension de voisinage. C'est ça. Sauf qu'il n'y a pas Julien Courbet, du coup, ça marche. C'est vraiment très bien. Franchement, ouais, c'est vachement bien. C'était vraiment bien. Ça fait peur. Ça fait un peu peur. Ouais. Franchement, il y a de la tension. Ouais, il y a de la tension. Le jeu est en français, voilà. Entre autres. Beaucoup et très très bien. Okay. Et en même temps, il y a quasiment pas de mots du coup dans le jeu, donc c'est très facile à traduire. Ah, tu choisis pas les. Ah, pardon, j'avais pas compris. Il y a pas de texte dans les cases. Ah, tu ne places que des c'est images. C'est que des onomatopées. C'est que des idéogrammes. C'est accessible en plus. C'est génial. C'est pour tout le monde. Super jeu. Je conseille aussi Fortnite. Ouais, la danse là. C'est un petit jeu. Regarde ce que je fais. Non, c'est pas une danse. Ok, pardon. C'est un petit jeu de Battle Royale. Ouais. C'est un peu barré, hein, l'univers un peu barré. On saute d'un Quacubus et après on arrive sur l'île. Et on doit scramter la gueule. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On scrampe la gueule. Il doit en rester plus qu'un, on est 100. Et ouais. Sans pagnon. Ok. Mais Pauline. Bon, Asbestas, vachement bien. Ouais. Moi j'avais vachement aimé aussi El Reno et Madre, du même réalisateur que je vous conseille. Je voulais voir Rodrigo. Oh, j'ai oublié son nom. Rodrigo. Sûrement Juanes. Juanes, la camisa negra. C'est de Juanes. Pauline de Carcassonne. D'Artagnan. Toute mon enfance. Ça va. Alors attends, parce que j'avais pensé. Ah oui, j'ai. Ouais. Alors j'ai vu un film qui est sorti il y a longtemps qui s'appelle Aitonia. Ah, vachement bien. Ah, mais et, bien, oui. Je l'ai adoré. Super, et en plus, j'avais un peu des a priori sexistes, je pense, sur Margot Robbie. D'accord. Sûrement parce que je suis jalouse et que j'aurais aimé être elle. Bien sûr. Et moto-baiser. Tu t'éteins les cheveux en blond, du coup, après c'est le film. C'est pour ça, ouais. Non, c'est naturel. Enfin, ah oui, pardon. Ça ouais. se voit. Ouais, pardon. Ouais. Et du coup, bah, j'ai adoré. Donc, ça parle d'une patineuse qui grandit dans un environnement très toxique avec une mère qui littéralement lui frappe la gueule. Et, c'est de la vie d'Anthony Harding. Oui, hein, c'est une histoire vraie. Voilà. Oui, voilà, pardon. Non, et il y a plein de. Excusez-moi. Et il y a plein de rebondissements. C'est assez violent quand même, mais ça m'a pas traumatisé. Et c'est un peu drôle aussi quand même. Bien sûr. C'est drôle et vraiment Margot Robbie, elle est incroyable. Et il y a de la super musique aussi. Ouais. Faut que je le revoie, ça fait longtemps que mais j'avais adoré, j'avais beaucoup aimé. Tout le casting est super. Il y a aussi la celle qui joue la mère, Alison Janney. Ouais, qui est dans super quoi actrice. Elle joue, elle. Elle est dans plein de trucs. J'ai pas réussi à retrouver. Comme si. J'ai pas internet, elle est dans La couleur des sentiments. Le film où on chie dans des tartes. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film. Ah, American Pie. Mais oui. Non. C'est le film avec. Elle était très drôle dans Spy de Paul Feig. Elle jouait la collègue de Melissa McCarthy. Ah, une femme un peu dégingandée, un peu grande, qui joue avec son physique et tout. Et très drôle. Exactement, et très marrante. Bah écoute, en tout cas, c'est ça. Voilà. Et ouais, non. Et c'est vraiment un super film. Je regarde si ouais. s'il est dispo sur une plateforme quelconque. Tu l'as vu sur quoi, toi? Bon non, faut payer. Bien sûr, absolument rien. Il est en VOD. Ça, c'est mon mari qui s'en occupe parce que ouais. moi je connais pas tout ça. Hein. Tu connais pas trop le web, toi. T'es pas trop là-dedans. Pas trop web. En vrai, je crois que j'ai découvert il y a pas très longtemps qu'on pouvait regarder les films en streaming. Enfin, il y a genre 5 ans. Tu fais la non meuf. Mais je pensais que ça avait été interdit et d'un coup j'ai redécouvert et tout le monde m'a dit mais t'es teubé et en fait. Bah, d'où ils te parlent comme ça en fait. Ça va pas. Ils ont donné un coup de pied à ton chien ou pas. Celui qui mangeait croque-monsieur dans le cinéma, ça. C'est sûr. C'est pas tout. C'est sûr. Et bien quant à moi, je vous conseille le dernier stand. De John Mulaney qui s'appelle Baby J qui est sorti hier. Ah, génial! Et moi, John Mulaney, c'est un humoriste que j'aime énormément, que je trouve très très drôle. C'est un ancien auteur du Saturday Night Live et puis il fait plein de trucs super. Il avait un spectacle avec Nick Kroll qui s'appelait Oh Hello où il jouait deux vieux. Enfin, bref, il a maté tout ce qu'il fait parce que c'est vraiment très très bien. Mais il a une vie un peu compliquée puisque récemment il a été mis en rehab en 2020. Parce qu'il était très, très addict je crois qu'à la, à la coke. Au pince, je crois, le jeu des pinces. Le jeu des pinces. C'est quand même retrouvé bloqué dedans, c'est te dire à quel point. Oh là là. Non, non, à la coke et à plein d'autres drogues, oui, que oui. Je vais pas les dire parce très, que je vais pas me planter, mais vraiment très addict. Mmh. Et en gros, c'est son spectacle d'après où il raconte non seulement son intervention, le rehab, etc., etc. Du coup, c'est un peu touchant. Bah, en vrai, mais c'est oui. quand même très, très, très drôle. Justement, okay. j'avais un peu peur de l'écueil de je vais vous raconter quand même parce que j'ai traversé un sacré truc. Et il t'accueillit, justement. Non, non, justement, ouais, enfin, il est très, très drôle. L'écueil. C'est quand même. Du coup, j'ai envie de prendre de la coke. Non, non, c'est vraiment c'est super que des. Pub, c'est voilà. que des blagues. Il y a des trucs un peu mignons. Il y a des trucs un peu mignons, mais c'est vraiment que des blagues. Okay. Et des blagues très, très drôles. Et aussi des blagues stand-up, parce que moi, c'est ça que j'adore, c'est qu'il fait tout le temps des virages sur des trucs. Il fait un truc sur les enfants quand ils perdaient leurs grands-parents et que c'était les stars de l'école. Et du coup, il raconte le fait qu'ils priaient pour perdre un de ses grands-parents et ça, un de ses grands-parents ça, ça est mort pendant l'été, donc il était deg. C'est ça horrible. Plaît, ça c'était au début du spectacle. Donc voilà, beaucoup, c'est vachement ouais. drôle, c'est super bien écrit et c'est sur Netflix et vraiment c'est vraiment bien. Donc ça fait super plaisir. Et puis je vous conseille aussi les SNL auxquels il participe parce que souvent, donc maintenant il est devenu connu. Avant, à l'époque, il était auteur au Saturday Night Live et depuis qu'il est connu, il est comment on appelle host, enfin oui, invité host. Oui. Et du coup, son grand truc, c'est de jouer les sketchs qu'on lui avait refusés à l'époque où il était auteur, parce que c'était n'importe quoi. Et par exemple, il avait fait une comédie musicale sur les restaurants qui servent du homard alors que c'est des brasseries. Et donc, c'est un truc où le homard c'est est pas bon. C'est un peu son truc Bill du Big Deal ouais, avec mon ça. Sketch. Ouais. C'est exactement ça. Il a fait aussi toute une comédie musicale sur. Alors, c'est très précis, mais sur l'aéroport, la Guardia, parce qu'il faut savoir qu'à New York, il y a deux aéroports. Un qui est stylé et un qui est une catastrophe. Et donc il avait fait toute une comédie musicale sur cet aéroport. Enfin, c'est très très drôle. Donc voilà, John Mulaney, moi je suis un grand fan de son travail. Ah bah, et son stand-up est ça. Vachement bien. Moi aussi ce ouais. soir. Moi aussi ce soir. Ouais, bah, tout à l'heure. Moi là. Je l'ai regardé déjà. Je c'est trop bien. Mais vous savez quoi, on arrête le Floodcast et on regarde son spectacle. Allez. Okay. Allez. Avant toute chose, on va faire un dernier tour de table tout de même. Lucas Pastor. Bah, dégueule sur la table, on reparle. Tu viens d'écrire et de du réaliser monde. Un film avec Timothée Hochet qui s'intitule oui. Stéphane, tout qui est fait. Sur MyCanal, dans lequel tu officies aussi en tant qu'acteur. C'est un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année. Voilà, oh, je le dis. C'est adorable. C'est vraiment. Et tu es incroyable dedans. T'es vraiment trop arrête, bien. Ça, je te dis. Je dis pas ça parce que t'es mon pote. Arrête. Mais non, mais c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu ça comme t'es fort. Toute la com autour est vraiment trop drôle. Tu vas découvrir un sacré phénomène là. Et comment ça se passe la tournée des festivals, je voulais savoir. Je sais que vous l'avez présenté au BIF. Au States, hein. Ouais. Les mecs qui sont aux States. Les mecs sont allés aux States avec leur film. C'est pas vrai. Tout simplement. Au boulevard finalement. Ouais. Ils demandent les tests Covid ou pas? Non. Il y a ses mains sur Sunset Avenue ouais. là. Sur celle de quelqu'un d'autre. Il y a plus de place, ils mettent deux mains. J'avais les mains un peu sales, j'ai juste mis sur le goudron. Deux petites marques, ils l'ont lavé le lendemain. Donc non, le BIF, ça s'est bien passé. C'est un festival que j'aime beaucoup. Ouais, c'était trop bien. Franchement, c'était génial. Et ils interréagissaient beaucoup avec le film, donc c'était super. Ouais, c'est très connu, le BIF, c'est ça. Ils hurlent pendant la séance. Et le mieux du BIF, c'est de voir des très mauvais films ici. Mais ça avait une ambiance. Je te jure que c'était marrant. Non, franchement, ils ont un humour qui est croire. Vraiment drôle. Mais moi, j'avais vu un très mauvais film là-bas. Et du coup, tu vois, quand il y avait une meuf dans un couloir qui avait peur qu'un tueur arrive, t'as des mecs qui hurlent genre, fais gaffe derrière toi! Enfin, ça avait une espèce d'ambiance. Il aime pas, j'aime bien. Vous m'aviez convaincu, puis là, je suis après. À un moment, j'ouvre une porte et je la ferme pas. Et du coup, ils font la porte, Stéphane, la porte! Et il y avait plein de gens qui hurlaient comme ça. C'était très drôle. C'est marrant, c'était une expérience. Ça doit être une ambiance. Il faut être en français. Ils ont sous-titré en anglais ou c'était que pour des Français? Non, mais là, le BIF, c'est en Belgique. Après, c'est sous-titré en flamand. Alors, pas du tout. Et je joue en Belgique demain. Mais du coup, ça va se mal passer. À Liège. Oh là là. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchons pour arriver là-bas. Il va en train. Ah, oh. Bon, ça va alors. Le Thalys. Ça devrait aller. J'espère Liège, qu'il y aura Liège, pas de Thalys. Non. Ouais. Je trouverai pas. Et au States, ça s'est pas passé aussi? C'était super, franchement. Ouais. Au States. Ouais. Ouais, ça réagit bien. Ouais. T'es content des retours du film? Les gens adorent. C'est cool quand même, franchement. Ah, oui, mais aux States, je savais pas parce que j'ai eu le temps de le croquer et de cracher. Non, c'est pas vrai. Non, mais aux States, les gens ils aiment tout, j'ai l'impression. C'était difficile de savoir. Ils te parlent, ils disent oh, mais c'est super et tout. Donc, ah, oui, pas. Ah, tu veux dire que c'est des menteurs? Ouais, je pense. Alors que nous en France, on est. Ils ont pas ce truc, cette tache noire qu'on a nous, les Français, dans notre cerveau là. Mais qui fait un cancer, on a le côté. On est un pays de grévistes quoi. On se laisse pas faire quoi. Merde, on est des Gaulois. Mais et moi je voudrais signaler, enfin célébrer, bon c'est pas le bon terme, la promo que vous avez fait les réseaux est géniale. Très gentil. Vraiment, c'est trop bien. On allait faire ça dans notre coin avec personne n'allait la voir, mais c'est trop bien. Il est humble en plus. En fait, pour t'expliquer puis expliquer aux auditeurs, peut-être ne connaissent pas. Donc Lucas incarne un personnage qui s'appelle Stéphane, donc un mec un crâne rasé, enfin voilà, qui est, il est méconnaissable. Méconnaissable. Qui est un peu beauf, on peut le dire, Stéphane, il est un peu voilà, il fait partie. Voilà. C'était vraiment rasé ou pas? Non. Ok. Non, c'est un faux crâne. Et en fait, ils ont avec leurs potes, des gens qu'ils connaissent, ils ont fait plein de déjà de vidéos genre un peu genre putain mais on a le pire chauffeur de taxi machin et le chauffeur de taxi c'est Lucas. Okay. Et en fait c'est plein de vidéos comme ça que du coup leurs potes postent sur les réseaux et tout. Ça marche trop trop bien, c'est trop trop marrant. Voilà, bravo, bravo. Bah, ça voilà. Donne envie. C'est le système D. C'est ça, génial, c'est ça qu'on aime. Et puis c'est drôle parce que les gens ils pensent que c'est mon père. Ah bon? Ouais. C'est genre là, comme j'ai fait une story où c'était moi qui disais oh oui, j'ai un problème avec ma télé et Stéphane vient. Oui. Les gens ils disent oh, mais tu crois qu'on ne voit pas que c'est ton père, on a la même gueule. Débile. Bon, allez. Tu nous prends vraiment pour des cons hein. C'est, oh là là là c'est là pas là. Grave. Incroyable. Et alors c'est quoi la suite? Il y a une envie de faire d'autres films comme ça? C'est des films peut-être de fiction? Stéphane 2 peut-être. C'est un film et on s'en va. C'est comme ça. Non mais oui j'aimerais bien, bah, j'ai adoré cette expérience, c'était fou. Oui parce que c'est, faut le dire quand même aux gens, c'est aussi une façon de faire un film qui est très particulière. C'est une toute petite équipe, ouais, pas beaucoup de budget. C'était juste après le Covid. Ouais. Filmé à l'iPhone. Ouais, filmé à l'iPhone. Mais quasiment en France. Quasiment. Hein, franchement pas, c'est avec des petits caméscopes tout ça en found footage. Ouais. Et vous avez beaucoup de matière parce que même on le voit dans le film parfois il y a des trucs très cutés entre deux séquences et on se dit mais attends ils ont tourné un milliard de trucs. Ouais. Parce qu'à la base, le truc il durait 3 heures et on se disait, bah, super notre film, imbuvable. Le film était horrible. On a du tout remonté et du coup, oui, il y a plein de scènes qu'on sautait, qu'on aimait bien, mais bon. Et peut-être on les verra un jour, peut-être. Peut-être. Peut-être. Franchement, je sais pas comment. Ouais, je te les montrerai. Ouais, si, ah, tu les montres à moi. Diffusez-les. Voilà. Faites de la promo, ça. Je me souviens même plus de. Oui. Si, je disais, est-ce que le futur c'est d'autres projets un peu. Est-ce que tu as aimé cette façon de faire et du coup, t'as envie de faire d'autres films dans ce style ou est-ce que pourquoi pas aussi faire des films. J'allais dire plus traditionnel, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà. Plus traditionnel, ouais, mais oui, bien sûr. Genre, qu'est-ce qu'on a fait au mais, bon Dieu ouais. Par exemple, je pensais à ça aussi. À mais en même temps, j'aime bien ce truc de Astérix. Me dire, genre, si j'arrive à faire d'autres films comme ça, genre, avec une autre gueule à chaque fois, enfin, genre, oui, jamais bah ouais. Ma gueule, ça me fait rire, quoi. Bah, c'est génial. Oui, bien sûr. Du côté Sacha c'est Baron Cohen, drôle. Pour ne pas le citer. J'adore les prothèses. Bah, voilà. J'adore les prothèses. Mais même au monde à l'envers, c'est vrai que vous changez souvent votre gueule. Ouais. C'est... Et d'ailleurs, tu parles d'Astérix. J'ai une question, oui. Lucas. Pourquoi dans Letterboxd il y a écrit que tu joues dans Astérix, sachant que tu joues le c'est rôle. Fou, est-ce qu'on peut dire le rôle que tu joues dans Bien Astérix? Bien sûr, tu peux le dire. Non, mais bah, dis-le. Ah, je me souviens pas. Ah merde, alors attends, faut que je le retrouve du coup. Mais il y a écrit que tu joues dans le film Astérix, du coup je ne comprends oui, pas. C'était tu t'en Anne-Sophie es pas vantée. Anne-Sophie ah, oui, Lapix, c'est ça, tu joues. Ah oui, parce mais que non, t'avais fait parce une story. Que c'était faux. J'avais fait une story, j'avais fait un faux poster promo avec mon personnage qui s'appelle Anne-Sophie Lapix. Franchement, meilleur personnage. Mais quelqu'un l'a cru. Et voilà, alors, apparemment, parce que c'était Léopold qui m'a envoyé ça, il m'a dit « Mais attends, mais tu joues dans Astérix ?» Et en fait, du coup, les gens l'ont mis, quoi. Je suis juste en dessous de... Florent Manodou. Et c'est en fait ça, et Gérard Darmon. Parce que tout vient d'un. Faut savoir que tous les sites Allociné, Sens Critique, machin, ça vient d'un truc qui s'appelle The Movie Database, qui est un espèce de truc un peu officiel. Et dans ce truc-là, tu es dénommé en Anne-Sophie Lapix. Et donc, si ça, vous allez sur la drôle. Fiche d'acteur de Lucas, vous avez Stéphane, MST, je crois, et Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. En plus, j'avais bien fait exprès de mettre ma gueule sur un vieux costume festifette de Gaulois, genre un truc gonflable et tout. Les gens ils se sont dit ah non mais ok. Ça a marché, ça a il très bien dedans, marché. Il a explosé le gars. Et le gars a explosé. Pauline, oui. Tu as repris donc les concerts. Tu en as plein qui arrivent cette année. Donc on a oui. dit au début il y a la maroquinerie en toute fin d'année. Voilà, ça où il faut venir. Ça faut venir. Ça c'est le 29 novembre. C'est ça. Oui. Je veux regarder. Octobre. Je te redis tout de suite. Bon bref, c'est pas rempli en tout cas. Donc bah, venez. C'est normal, c'est pas tout de suite. Venez. C'est le 29 novembre. Non, après ça se calme un peu pour mon plus grand bonheur parce que là j'ai travaillé 605 heures cette année. T'as de... enchaîné. Ah bah t'as ton statut. J'ai mon statut d'intermittente pour la première fois, donc ça c'est cool. Ouais. Même s'il y a une meuf de Pôle Emploi qui m'a appelé, qui m'a expliqué un truc pendant une heure et que je n'ai rien compris et que je n'ai toujours pas d'argent, donc je doute un petit peu quand même sur les. Aïe. Sur ça, mais surtout je suis en train de finir une BD et Et là, je vais voir mon éditrice juste après. Génial. On va signer le contrat, en fait. Trop bien. Wow. Donc, parler un peu des billets. Tu es dessinatrice ou tu es que dessinatrice? Je ou... suis l'autrice, dessinatrice, je fais tout. Trop et bien. Enfin, j'avoue c'est que les deux seuls trucs, donc. Calme-toi. Il y a aussi des gens qui font le graphisme, genre. La maquette, page, la musique. Non, mais dans une BD, t'es con. Oui, non, je suis bête. T'es con. Oui, oui. Je fais les bulles. Pour con. Non, il n'y a pas de bulles en plus. Non, mais du coup, voilà. Mais mon éditrice, elle est très cool parce qu'elle est hyper impliquée dans les trucs. Et donc, du coup, parfois, elle va me dire ce dessin est à chier, non? Et je vais dire ah oui, c'est vrai. Mais t'avais fait un livre pour enfants aussi, on peut le dire. Et avec la même, ouais, avec La Ville Brûle. C'est et ouais, le livre pour enfants avec Pomme. Le nom est bien d'actualité. Hein. Quand tu regardes ce qui se passe à Paname et tout. Là. Surtout quand Notre-Dame. Ouais. Aussi. Ouais, moi je parlais c'est des manifs. C'est moins la pub. Les manifs, ouais. Plus. Moi, ça me. Je veux pas m'en mêler. Ok. Je suis pas d'avis. T'as vu les poubelles qu'ils ont mis là? C'est dégueulasse. Donc une BD qui arrive, t'as pas du coup si tu signes, c'est pas tout de suite. Il y a pas vraiment de date, ouais, mais ça arrivera dans l'année prochaine. Ça arrivera lourd, rassure-moi. Ça et préparez-vous les gars, ça va tabasser ou quoi? C'est sûr et certain. Pas mal. J'ai envie de me tuer. En parlant de tabasser, oui. Adrien Méniel, on va te tabasser. Il y a un film qui sort. Qui sort cette année. Je sais pas s'il a été déjà annoncé. Regardez. Ouais. C'est mais tu joues dans Anti-Gang 2. Voilà, alors je crois que le titre est Anti-Gang la relève, j'ai c'est l'impression. Ultra Gang, du coup. Ultra Gang, l'ultra port. Ultra gros port. Ultra gang. Port. Je joue le super port dans le film. Ultra port. Voilà, je. Non, il n'y a pas la date précise, on sait que c'est cette année. Bon, c'est cet été, voilà. Oh, oh non, mais je dis pas rien de précis, mais c'est cet été. Okay. Ça sort. Il fera chaud, quoi. J'ai vu. Non, mais en plus, je pense que c'est un bon film d'été, en vrai. Parce que Matt, t'es là, l'adrénaline qui pompe là, parce que l'action, je peux te dire qu'elle vend le noir. Alban le noir, j'ai dit Alban. Alban le noir, il envoie du lourd. Ouais. Il y a de la tension. Là, il y a de l'adrénaline, et puis après, tu transpires et tout. Puis après, bah, tu vas te mettre dans la piscaille tranquille, avec une petite boisson fraîche. C'est ça l'été ou pas? Mais c'est complètement ça l'été. C'est complètement ça. Mais t'as raison, kiffe. Mais ouais, bah, j'essaye. Soleil, nana. Curieux que t'es là. Et j'ai vu un extrait et. Ça arrive c'est fort très, très la team. Non, mais vraiment, j'étais très content. Oui, c'est réalisé, faut le dire, par Benjamin Rocher. Benjamin Rocher. C'est vrai que ma toute première expérience de cinéma quand j'avais 18 ans est liée à Benjamin Rocher. Mais raconte. Mais bon, c'est pas très intéressant, mais j'avais été figurant zombie dans son premier film qui s'appelait La Horde. Non, oui. Ouais. Oh, c'était Goal of the Dead. Non, ça c'est son second film, mais La Horde qu'il avait fait avec Yannick Dahan. Moi j'étais fan de Yannick Dahan, c'était un journaliste ciné. Et du coup, j'avais postulé et j'étais monté à la capitale, j'habitais pas à Paris encore. Pour jouer un T'as zombie. Quitté la province. J'ai quitté ma province. À 18 ans. Et du coup, je jouais un zombie dans une zone désaffectée. Trop drôle. Et j'ai recroisé Benjamin plus tard sur un projet de film qu'il ne s'est pas fait, que j'avais écrit avec lui. Et aujourd'hui, tu joues avec lui. Et comme voilà. Quoi, c'est un tout petit monde. Tu le faisais comment le zombie petit. Juste Bon, et en tout cas, merci beaucoup. Et merci. La bonne auberge. Et la bonne auberge. Et la bonne auberge qui sort des. Du merch, ouais. Du merch, j'ai vu d'ailleurs. Voilà. Donc, si vous voulez soutenir, ouais, ou juste soutenir. Avoir des jolis vêtements en bonne auberge. Les deux en même temps. Les deux en même temps, c'est possible avec la bonne auberge sur Trafic. Trafic, le sang. La famille. De la famille. D'ailleurs, faut qu'on le rappelle. Oui, sur un truc de casquette. Qu'on... Voilà, jamais relancé. Bon, et merci en tout cas, tout le monde. Merci. À très bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.